À Bordeaux, vous écoutez O2 Radio sur 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à toutes. J'étais en train de m'étouffer en fait. Je me racle la gorge. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une heure et demie de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. Et ça, c'est cool. Ça c'est cool, parce que putain de merde, vous m'avez manqué. Parce que j'ai plus internet à la maison les gars. Donc plus de stream jusqu'à lundi prochain. Eh ben je peux vous dire que je suis pas bien quoi. Je suis pas bien, je pense que je vais tenir l'antenne jusqu'à au moins 4h du matin ce soir. Parce que je suis au bout du rouleau. Non franchement c'est un truc de ouf, vous me manquez de dingue. Ça m'emmerde, franchement il y a même pas de mots. En gros on devait déménager, on a appelé l'opérateur là. On lui dit bon on déménage le 4. Vous coupez le 4. Oui oui, pas de problème, on raccroche. Tchou. OK. Donc en gros, on est comme des cons, on a plus la télé, on a plus que dalle. On est en train de se refaire tous les DVD qu'on a à la maison, je t'explique pas l'angoisse quoi. C'est un truc de ouf, on va se remater la soupe aux choux et je peux te dire que quand tu ressors le coffret de Pierre Richard, c'est que t'es pas bien en vrai. Voilà. C'est que t'es pas bien. Bon bref, allez, une émission qui fait plaisir, putain, je suis comme un dingue. Ça me fait du bien là, ah ça va être cool. En plus on a une bonne émission, soir on reçoit Jean-Luc Salah, mesdames, messieurs, on l'avait déjà reçu. Prof à l'ECV, prof de cinéma, prof à l'ECV, scénariste de bande dessinée, dessinateur. Et je crois même qu'au moment où on le cite, il s'est pris les pieds dans la caméra. Il arrive. Et au moment où je dis son nom, il arrive, mesdames, messieurs. C'est quand même un truc de ouf. C'est génial. Allez, je vais ouvrir les micros, comme ça c'est cool. Il y a Iki aussi qui vient d'arriver. Oui, carrément. Coucou à tous. Yeah. Bon, on est presque arrivé à l'heure, au final. Mais ouais, carrément. Presque. Et puis on attend Kogu qui arrive vers 19h30. Mais ce soir, on a un bon programme. Franchement, on va vous parler des jeux d'aventure. Et je peux vous dire que j'ai bossé. Parce que je me suis dit, bon, il y a Jean-Luc qui vient, si je raconte des conneries, tu vois, je vais me faire engueuler. Et donc voilà, j'ai bien bossé, sans déconner. Allons en direct jusqu'à 20h30, et ça c'est cool. On est aussi en live sur Twitch, hein, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Il y a Dark Warrior, salut à toi, sur le chat, il y a Moumout, il y a John. Alors il y a Moumout qui se plaint qu'à part su de notif, il y a John qui nous dit « Kikou les copinous, après une grosse absence, je reviens ». Eh ben salut à toi. Salut à toi, John. Évidemment non. Je ne suis pas seul. Mon Dieu. Jean-Luc, on dirait qu'il est sorti du cinéma, il a gardé les lunettes 3D, t'as vu? C'est les mêmes. Yes. Il est là. Il est beau, il est grand. Tagazou, comment ça va, mon poulet? Bonjour à tous. Bah, je suis content d'être là. Comme tous les mardis maintenant. Avec t'as failli te tromper, tu sais. Ouais, oui, comme non, tous, non, les jeudis. Tous les jeux. Non, tous les mardis. Voilà. J'ai joué à... Oui, carrément. Alors, j'ai joué à Hitman Go et je l'ai platiné. Voilà. Arrête. Alors, je prends la succession de Goustic, c'est-à-dire que je fais les platines easy, quoi. C'est un platine très, très facile. D'ailleurs, je dis à tous les auditeurs, pour 8 euros, il est assez facile. Yes. Ça évitera les chasseurs de trophées de faire des Schtroumpfs 2, j'en ai vu qui avaient ça dans leur... Niveau trophée, cette semaine, je ne suis pas peu fier. J'en parlerai tout à l'heure, mais un truc de dingue, tout fâché pas bien, en transe, en sueur, à trembler, mais j'ai réussi. Ah. Mais je vous le dirai après. Il est là, il est beau, il y a Dandik avec nous, comment ça va poulet? Bonsoir, ça va pas mal. Ouais. Pas mal, un petit oh, peu. Oh, il a pécho sur Tinder. Lui. Oh là là. Non, non, non, non. Oh non, non, non. Non, non, c'est juste que bon là en ce moment on commence un peu à s'ennuyer niveau jeu, je trouve. C'est pas faux. Au niveau des sorties, bon quand t'as fait à peu près les jeux du moment, t'es PS4. Obligé de retourner. Ouais. T'es un petit peu obligé de retourner sur, j'allais dire des vieilleries, mais. Si, un truc qu'on n'a pas dit la semaine dernière et que tu voulais dire, donc j'y pense, donc je le dis, on a fait le platine de The Division. Eh mais exactement. Ouais. Sérieux, vous l'avez eu? Ouais. La classe. Bah, il est carrément. Pas non plus hyper compliqué. Hein. Non, on a grugé à un moment, voilà, il y a une méthode un peu de gruge, quoi, parce que sinon tu passes un temps fou. Mais non, c'est pas cheaté, on a rien fait. Non, attention. Là, je suis blanc comme un neige. Mais mais bon. Voilà, c'est yes. Tout. Et puis toi, Iki, comment ça va, mon poulet? Écoute, ça va. Moi, je suis toujours sur Twilight Princess HD. Ouais. Voilà. Alors, donc, petite question, juste vite fait. C'est pas moi qui ai créé le jeu. Hein. Non, mais est-ce que tu le trouves pas moins joli que l'ancien? Ah merde. Bah, moi, je trouve. Ça va. Disons que bah, c'est juste que les textures sont un peu plus jolies, qu'ils ont changé vite fait les shaders, mais ça vaut pas le Wind Waker HD, c'est sûr. Mais moi, juste la scène d'intro où t'as Link qui court sur le pont, mais j'ai eu les frissons, quoi. Est-ce que t'as joui? 5 ou 6 fois. Waouh, oh là, en 2 minutes. Non, mais vraiment, c'était mon Zelda préféré, quoi. Du coup, ça me fait tellement plaisir de le refaire. Bon, c'est pas une excuse pour pas en sortir un sur Wii U, un vrai, pour le coup, Nintendo. Hein, je sais que vous m'écoutez chaque soir. Donc bougez-vous les doigts. Et voilà. Puis sinon, à part ça, j'ai commencé un peu Fallout. Ah. En fait, j'ai juste commencé la personnalisation de personnage. J'ai essayé de faire un perso qui me ressemblait, ça n'a pas marché du tout. Du coup, ensuite, j'ai fait un perso qui ressemblait à Nicolas Cage. Oh yes. Et ça marchait pas du tout. Ah merde. Du coup, je vais essayer de chercher encore un perso que je peux faire qui est facile. Mais putain, elle est poussée, la personnalisation. Ouais. La hauteur des pommettes et tout, j'ai l'impression d'être dans Skyrim. Ouais, dans Skyrim, j'avais pris un perso préfet, tu sais, parce que le mien, il avait les yeux sur les tempes. Du coup, ce qui est un style. Effectivement. C'est un homme crabe. On embrasse tous les poissons panés qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux. Et puis, il y a Jean-Luc Sala, qui est venu nous rendre visite. Comment ça va? Bah, très bien. Écoute, c'est toujours un plaisir de venir parler devant le gros micro. Oh oui. Alors, le mien est vert aujourd'hui. Oh oui. Il était déjà venu nous voir pour Disney Infinity à l'époque. On avait parlé de Battlefront et compagnie. Bon, on peut te représenter un petit peu si. Mais si tu veux. Donc c'est moi qui fais le boulot. Comme tu veux. Scénariste BD, prof à l'OCV. Oui. T'as eu un outdoor, il me semble aussi. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps. Hein, maintenant, je suis sur la pente descendante. Ah, glissante même. Yes. Et puis là, on va parler des jeux d'aventure. Et tu vas voir, j'ai bossé et franchement, il y a quelques pages. J'ai trouvé ça passionnant, en fait, toute l'histoire du jeu d'aventure. On va parler du point and click, hein, plus dans cette idée-là. Pour les auditeurs, on va pas faire les jeux d'aventure genre Uncharted, Tomb Raider et compagnie, mais les vrais jeux d'aventure. Quand l'anglais appelle, si on prononce mal en anglais. Ah, James. Ouais, je pense qu'il est là. Ça serait bien qu'il soit là. Ouais. Je pense qu'il est là, et même, je te dirais même plus, je crois qu'il est avec son beau-frère. Oh là. Il est avec son beau-frère. Ça y est. C'est comment il s'appelle? Mike Horn. Mike Horn. Il m'a envoyé un mail. Il m'a dit ouais, tu parles des jeux d'aventure. S'il a un accent, mais tu parles des jeux d'aventure. Alors moi, je suis sur l'île de The Island M6, j'écoute. Donc faut faire attention, parce que je pense qu'il est là dans le studio, quoi. Bon bref, bah moi aussi, bonne petite semaine, même si je m'ennuie assez fort aussi. Et puis bah là, j'ai plus d'internet, donc la PS4, sans déconner, elle est pas connectée, ça sert à rien, quoi. Il y a un petit cadenas sur tous les trucs, quoi. Tu peux lire des Blu-ray, je crois. Tu peux lire les Blu-ray, ouais, carrément. Enfin, c'est l'alu. Et donc platine de The Division et platine de Gravity Rush Remastered. Ah oui, c'est vrai. Et c'était un truc de malade, quoi. Franchement, c'est un truc de malade. Je soupçonne les développeurs de jeux. Quand ils mettent des chronos, genre dans les jeux de bagnole et tout, ils prennent le mec le plus fort du studio et lui font faire un score démentiel. Et après, Jean-Pierre, il lui dit, bon, Michel, ce que tu fais, tu baisses de 5 secondes. Ou tu montes de 5 secondes. Ils y arriveront jamais, ça va les occuper. Je suis sûr que c'est ça. Ils demandaient des scores improbables. Mais à base de tremblements, de crises de nerfs et tout. Bah mais ouais. J'ai réussi, quoi. Donc c'est faisable. Je vais pas prendre la place de Goustic, mais j'ai été voir Batman versus Superman. Ah, moi aussi, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Bah, moi non plus. Bon bah voilà. Non franchement, voilà. C'est la clinique, la critique ciné. Ouais, voilà. De ce qu'il en disait, Goustic en tout cas sur internet, c'était plus comme du Man of Steel 2. Vous confirmez? C'est un peu l'idée. Ouais. Ah, ouais. C'est que pour te donner une échelle, t'avais Watchmen qui était génial, Man of Steel qui était pourri, et là c'est à 65% Man of Steel en fait. Ah. Du coup voilà, on attend encore un bon film. Bah, du coup c'est un peu bien quand même. C'est un peu bien. Moi j'ai bien aimé le Batman. En fait, surtout qui est vachement dark. Vachement moi j'ai trouvé chelou. Moi, alors, truc que je me pose comme question qui est quand même, enfin voilà, Batman il a une armure épaisse comme ça là en métal. Ouais, Superman il est censé pouvoir découper des avions et tout avec ses rayons laser et avec ses points il peut tout. Kryptonite. Ah, même c'est un alliage à base non, de kryptonite. Même pas, en plus. Enfin, j'allais même dire, pas, c'est quoi le délire? Moi non, j'ai pas vu le film, mais bon. Son je armure me dis, c'est juste une armure blindée, et puis après, enfin c'est Batman quoi. Du coup il est riche, du coup il fabrique des petites armes. Mais en fait, Batman versus Superman, ils l'ont tourné 2 fois, parce qu'ils ont fait une version qui a duré 1 minute où Superman il arrive, hop il coupe Batman en 2, et puis t'as le mec fait couper. Ah bah non mais elle est pas bonne là les gars. Bon, en fait, tu as défoncé la tête. Donc dans le Blu-ray il y aura la version courte, genre où il arrive, il lui met une pêche et puis ça se termine. Non par contre il va y avoir une version longue, j'ai vu, non censurée. Bah déjà, parce qu'apparemment il y a des actions un peu plus costauds et un peu plus hard. C'est pour les Américains quoi. Attention, Kogu. Ah, il y a Kogu qui vient d'arriver. Yes. Dites-lui qu'il fasse gaffe au fil. Ça y est, c'est bon. Gaffe au fil. Il est du coup, non, pour le Batman vs Superman, moi, il y a un truc qui m'a fait super rire. C'est que c'est Ben Affleck, du coup, qui joue le Batman. Quel moyen. Autant Superman, quand il est en civil, c'est crédible. Il a limite l'air d'un hipster un peu gringalé. Autant Ben Affleck, tu sais que c'est Batman. Hein. C'est, il est tassé comme ça, tu ouais, sais. Carrément. Il est en train de tirer des leviers pour fabriquer des trucs. Mais tu sais, t'as l'impression que lui, il peut bouger ses bras, mais que dans un axe de 30 degrés à peu près. Tu comme vois. L'Action Man. Tellement il est musclé, vrai, tu vois. Genre, ils ont dû lui dire, bon, voilà, tu as l'air musclé. Pas si il va mettre son costume de Daredevil ou de Batman. T'es un peu ouais, paumé, t'es là, merde. On sait plus. Il en est où? Et c'est moi où il fait toujours la gueule, ce mec. Ouais. Alors le truc c'est que Ben Affleck, il a une palette de comment on dit ça, d'expression d'émotion assez limitée, je trouve. Non mais après on va pas spoiler le film, mais il y a vraiment des moments, tu sais, où c'est de l'écriture pure et simple où tu dis mais quoi? Juste quoi, quoi. Enfin, juste le moment où il se bat contre Superman, ça déjà, mais peur. C'est n'importe quoi. Et voilà, j'ai pas envie de spoiler, du coup, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais ouais, j'étais un peu en colère. Yes, bah tiens, on va dire bonjour à Kogo, après je finirai, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Comment ça va, poulet? Attends, faut que j'allume son micro, peut-être. Oui. Comment bonjour ça va? Bonjour à tous, bah ça va, je suis désolé, hein, je suis resté à l'heure d'hiver. Non, même pas. Tiens, voilà, j'ai fait mon maximum, passées. C'est gentil, c'est très gentil, j'aime pas le chocolat. Non, moi je suis anti-pack. Bon, est-ce que t'as le temps de jouer un petit peu là? Là c'est compliqué. Juste un peu les week-ends. Et là, ben, en ce moment, je remercie mon bon Goustic. Parce que ben, je suis en train de finir le platine de God of War 3. Ah yes, ah tu le prends sur son compte? Ah non, il m'a carrément filé son disque. En ah yes. Voilà, moi j'ai eu ça en voilà pour son départ. Hein, c'était dans son testament. Et donc j'ai récupéré God of War. Et voilà, et je suis en train de le platiner pour lui. Yes. Et Goustic, hein, d'ailleurs, on a des nouvelles hein, sur Facebook. Ça a l'air d'aller. Hein. Oui, c'est... on voit les photos. Je pense que là c'est alors, bon. Moi j'ai eu des nouvelles encore plus nouvelles. Non mais je sais pas, ça se trouve les gens qui connaissent écoutent et tout. Alors du coup j'ai pas envie de le cramer. Bon apparemment en tout cas il vit d'amour et d'eau plate. Bah hein, il a trempé son biscuit, ça c'est sûr. dans la fricadelle, voilà. Voilà. Dans la fricadelle. Tiens, il y a Moumout qui fait. On sent que c'est le printemps. Kogou sans bonnet. Non, voilà. Ouais, je suis désolé, je l'ai oublié aussi. Et il y a Dark Warrior qui nous dit Deadpool super film, beaucoup d'humour. Prout putain, c'est illisible. Prout hashtag c'est moi qui ai pété lol. Ok, je vais pas tout lire en fait. Et puis si je voulais vous dire aussi merci, surtout merci à tous. De rien. Parce que sur PodCloud, on n'arrête pas d'osciller. Il y a plus de 1000 podcasts, je crois, et on oscille tout le temps entre les premiers et les. Alors, le truc, c'est que c'est mis à jour chaque jour, et vu qu'on a une émission chaque semaine, ça fluctue beaucoup, mais on est souvent premier. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut s'applaudir. Merci. Bravo. Et l'émission marche aussi pas mal sur iTunes, donc c'est cool. Merci à vous. N'hésitez pas à les faire tourner, à partager auprès de vous. Ça déboîte. Et puis aussi, je voulais vous dire que là, avec mon petit corps, bah, je me suis mis au sport. Je me suis mis au sport. C'est, tout s'écroule. Je crois que t'allais nous parler de ton t-shirt. Ah oui, qui est assez mystérieux. Hein. Je l'ai acheté, je comprends pas. Non, je me suis mis au sport extrême. Raconte. Mais pas des trucs de fillette, quoi. Pas du saut à l'élastique, des trucs comme ça. Hein. Eh non. Tu veux dire que tu refais un deuxième enfant? Pas loin. Je fais un déménagement avec une femme enceinte. Oh. Bien. Et je peux te dire que là, alors la licence, je l'ai pas prise à long terme. Hein. Je pense que ça va être vite réglé. Mais en tout cas, c'est du sport. Voilà, je l'embrasse et elle nous écoute. Bon bref, dans cette émission, on va s'écouter du son aussi. Tiens, on s'écoute Stromae avec Sommeil. C'est un morceau qui me fait kiffer en ce moment. On s'écoute Robert Parker. Si, c'est Shooter. Shooter. Ah, c'est qu'il y avait une faute d'orthographe. Robert à 20h, on s'écoute Shooter. Robert Parker. Shooter. Ah. C'est un disque où il fait que boire des shooters. C'est ça. Et puis il a appris par cœur du coup son Et il l'a appris par cœur. Et puis comme d'hab, on se fait toutes les news jeux vidéo de la semaine. Après l'ennemi, on va parler des jeux d'aventure. On va retracer un petit peu l'histoire de tout ça. Et puis après, on va parler de Day of the Tentacle. Ça me fait plaisir que du coup Kogou tu sois arrivé et que Jean-Luc vous soyez là. Ouais, les vieux geeks, ouais, les geeks alpha. Voilà. Bah, c'est pas moi qui allais t'aider d'ailleurs. Je le dis. Bah ouais. Et si toi t'as fait Grim Fandango, Dandy. Ouais. Carrément. Donc on va en parler et franchement l'histoire de tous ces jeux est assez cool quoi. C'est un bon délire. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oui. Allez, on est y part, on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Et bah, qui s'y colle? Vas-y, Tagazou, si tu veux commencer. Moi, je vais commencer alors. Bah, on fait le tour comme ça ou le tour comme ça? Bah, Kogu, vas-y, allez. Allez, vas-y, Kogu. Bon, bah, alors, moi, pareil, encore, mon petit cœur va parler, mon petit cœur de gamer, une vieille licence. Et, cette fois-ci, je vais parler, de Xbox One. On vient d'apprendre, donc, Turok. La fameuse licence qui avait été portée en remaster sur Steam. Oui, c'est vrai. Et bien là, on a appris la date. Donc dès le 31 là qui arrive, d'ici quelques jours, va enfin sortir sur Xbox One les remasters du premier et du deuxième Turok. Donc ils vont enfin être on va pouvoir les rejouer sur PS2, ceux-là. Ils étaient sur PS2 sur la aussi. Première Turok, les premiers c'était pas 64? Si, il est sorti le 1 et 2 sur 64. Ouais, 64 et après sur Xbox et PS2. Ouais. Et voilà, et donc enfin, voilà, moi mon petit cœur de gamer aurait aimé pouvoir le faire sur ma console de prédilection. Ça va pas être possible. C'est pas forcément ce qui va justifier l'achat d'une Xbox One, mais voilà. En revanche, je suis quand même très content qu'on puisse retrouver cette licence aujourd'hui sur nos télés de salon. Mais ouais. Carrément, hein. Voilà. Turok. Il doit faire saigner les yeux, hein, celui sur la Nintendo 64, hein, ouais. Je pense. Ouais, moi, j'attends encore le remaster de BioShock. D'ailleurs, vous avez des nouvelles ou? Alors, il a été listé au Brésil, je crois, parce que il y a un site brésilien qui a toujours des bons leaks, hein, mais c'est vrai en plus. Ah ouais. Et c'est dans les tuyaux. Il y a pas de date, mais ça arrive. Ok. Ouais, je suis cool. Assez impatient aussi. Mais j'aimerais bien aussi, d'ailleurs, j'y pensais la dernière fois, qu'il balance le remaster de Jack. HD, Jack and Dexter, en fait, sur la PS4, il y a pas moyen de l'avoir, en fait, et je trouve ça super frustrant. Il me semble qu'il va faire partie de la liste des jeux qui seront sur PlayStation Now. Ouais, alors quand est-ce qu'il sort, ça aussi? Hein? Voilà. On sait pas. Voilà, Aiki qui veut faire que les remasters maintenant, voilà, il fait. Oui, c'est clair. Zelda, il a râlé pendant très longtemps sur les remasters d'ailleurs, et puis maintenant il veut plus. Tu vois, il est tombé dans le panneau. Non, il est tombé dans le panneau. J'ai acheté le remaster de Uncharted aussi. Mais tu vois, j'ai commencé à faire. Il est tombé dans le panneau. Oui, mais t'es ressorti avec une ex. C'est ça. Voilà. Si Nathan Drake. Voilà. Du coup, c'est à mon tour, c'est ça? Ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Bon, moi, je vais vous parler de Twitter, en fait. Et d'une intelligence artificielle. Oh oui. Ah ouais, ouais. Oh oui, c'est bon. Voilà, je pense qu'on en a tous un peu entendu parler. Voilà, il y a Microsoft qui a balancé une intelligence artificielle sur Twitter qui s'appelait Tai et qui était T-A-Y, je sais pas trop comment. Je m'appelle Tai. Tai. Donc T, voilà, on va l'appeler T. Et voilà, pendant 24 heures, ils l'ont balancé, et c'est une intelligence artificielle un peu à la Cleverbot, du coup, qui apprend de ce qu'on lui apprend, tout simplement, et qui va, par des algorithmes par milliers, essayer de rebalancer une certaine généralité de phrases qu'on lui envoie. Et voilà, il s'est trouvé que en 24 heures, ils avaient créé de cette intelligence artificielle un monstre raciste, nazi et misogyne. À 20%. Voilà. Et du coup, voilà, elle a fini par aller se coucher en postant une photo d'Hitler. Non mais sérieux, c'était un truc de fou, franchement. Et du coup, voilà. Du coup, ils sont excusés, ils l'ont désactivé et ils ont dit qu'ils allaient plancher du coup sur une, en fait, tout simplement sur une version qui distingue le bien du mal. Hein. Ouais. Enfin, elle a parlé de la supériorité de la race blanche déjà, donc ouais. c'est une bonne base. Ouais. Non, en fait, ces intelligences artificielles effectivement se nourrissent un petit peu de conversations. Ouais, c'est ça. Et essayent de trouver la personne a dit ça par rapport à tel mot clé, et donc finalement, si on a 20% de gens très racistes ou très cons, je pense qu'on est au-delà. Pour seulement les très 20% cons, pour les très cons, ouais. Sur Twitter, c'est oui. Voilà. Ça, c'est clair. Donc disons 20% de racistes, 80% de très cons. Notre intelligence artificielle, de toute façon, si on ne la bride pas un petit peu, elle sera raciste à 20% et très con à 80%. Tu vois, ça me fait penser récemment, il y a eu je suis tombé dessus, Ce soir ou jamais. Alors, je sais pas si vous voyez l'émission, je crois que ça passe sur France 2. C'est le soir? C'est le soir, ouais. Okay. Moi, c'est plutôt ou jamais. Et il parlait justement des intelligences artificielles. Et c'était hyper intéressant, ça m'a vachement accroché. Et en fait, il disait, il y avait plein de scientifiques, tout ça. Et il disait qu'une vraie intelligence artificielle qui pourrait se retourner totalement et devenir, Skynet. Hostile, quoi. Au Skynet, ils ont pris l'exemple. Ça serait pas avant 50 ans. Et donc tu vois, il disait ça pour rassurer. Et quand tu vois que ce que nous a dit Aiki, enfin tu vois, c'est chaud quoi. Bah attention, j'ai mieux parce qu'il y a eu il y a une vidéo qui traîne sur internet sur de la robotique donc humanisée. comme on en parlait dans la dernière émission, tu disais que les humains justement pouvaient avoir de l'empathie envers des robots qui pouvaient avoir une apparence humaine. Et donc là, ils sont, je sais plus quel, c'est un studio, je crois, enfin un studio de recherche et développement au Japon, qui ont développé donc un buste d'une femme robotisée. Donc on est vraiment sur, voilà, comme on a pu voir les tests un petit peu de robots humains. Fais pas des gestes comme ça, tu excites. Et donc, en fait, elle est interviewée. Une femme. Une femme. C'est très, très radiophonique. Elle est interviewée par un mec. Et pareil, elle se nourrit un petit peu de ce que le mec va lui dire, etc. Et au bout de, je sais pas, peut-être 10 minutes de conversation, à un moment donné, il lui pose je ne sais plus quelle question. Et a dit je vais détruire toute l'humanité sur la planète. Oh, l'angoisse. Alors tu vois, on y est peut-être déjà. Oh, parce que le robot vient de le dire. Elle dit je vais tuer tous les humains. Et puis le pire, tu vois, c'est que derrière, elle a un rictus du style. Avec un gros smile du style, hein, c'est, t'as peur, hein. Et un rire démoniaque. Je m'excuse. Voilà, alors on sait pas si si c'était fait exprès, tu vois, pour le buzz un peu. Je pense qu'il y a un programmeur qui s'est fait plaisir. Ouais, c'est peut-être possible. Ou sinon, est-ce que voilà, c'est le vrai hasard qui a fait qu'elle a dit ça, mais bon, voilà, ça rejoint un petit peu. Mais écoute, moi, ce que j'espère, c'est juste que d'ici 50 ans, tout ira bien, voilà, tout simplement. Ouais. Mais comme tu le disais justement, les robots et tout ce qui sera intelligence artificielle, ils auront un bouton on/off visible pour tout le monde de façon à ce qu'on puisse à partir du moment où ils seront dangereux. Voilà, dans cette émission, c'était hyper bien. Alors, je sais pas si c'est revisionnable. Revisionnable. Oui. Revisionnable. C'est un peu, c'est l'idée. Replay, voilà. Ça sera mieux. Il y a replay. Si ça existe en replay. Voilà. Il n'y a pas un prof de français qui appelle des fois. Oui. Jean Molière. Jean Molière. Est-ce que. Ouais, Jean Molière, ouais. Ceux qui nous écoutent, ils décèdent sur le coup. Ouais, mort fulgurante. Et en fait, ils expliquaient que voilà, pour l'instant, les robots, ils n'ont pas vraiment besoin de boutons, vu qu'on craint rien. Mais, et que le jour où les robots auront un gros bouton, genre sur le torse rouge, c'est que là, ça sera pas bon, quoi. Bon. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos de Boston Dynamics, donc ceux qui créent les robots actuellement, si. Où en fait on les maltraite, c'est-à-dire on leur file des coups de tatane pour voir s'ils tiennent debout tout ça. Et en fait, on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour eux. Exactement. Il y a quand même des mecs qui passent leur temps à taper ces robots. Ouais. Et oui. Et le jour où un robot va aller sur Internet, il va visionner ça, c'est la troisième guerre mondiale. C'est la même chose avec les femmes il y a pas longtemps, hein. Et dans l'émission. Internet pour l'instant. J'aime bien toutes les femmes. Et dans l'émission, justement, tu vois, ils se posaient la question à savoir est-ce qu'on considère un jour les robots comme des vrais êtres humains, est-ce qu'ils ont des sentiments, est-ce qu'on peut avoir des sentiments pour eux. Et justement, ils ont pris en exemple cette vidéo, ils l'ont fait visionner à des gens, ils ont dit alors là, quand tu regardes le mec qui tape le robot, t'es pour qui? T'es pour le robot ou t'es... Non mais c'est ça. Donc t'as presque de la peine pour le robot qui... Il en dirait un mec bourré, le mec qui lui met des low kicks et tout, c'est un truc de ouf. Tu dis mais la pauvre bête, elle t'a rien fait quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Mais d'ailleurs, juste pour revenir à cette intelligence artificielle, il y a un site qui s'appelle du coup Cleaverbot, qui est un site où tout simplement tu peux chatter avec un robot. Et, Je sais plus. Ouais, ça me plaît déjà, voilà. Quoi. Mais tout ce que je sais, c'est que ça fait déjà plusieurs années que le site est lancé, que du coup le robot a chopé tout un tas de mimiques. Mais c'est super marrant au final de discuter avec lui. C'est le genre de mec, si tu commences à lui chanter Bohemian Rhapsody, il va continuer les paroles, tu vois. Excellent. Comme un copain. Ouais, non, mais c'est ça. Et il a énormément de culture geek, énormément de références et tout, et c'est super marrant de parler avec lui, tu vois. Alors, des fois, il balance des trucs, genre, tu dis t'es qui? Le mec te répond, je suis Dieu, tu vois. Et est-ce qu'il parle en audio? Non, c'est surtout en anglais. Je parle en anglais, par contre. Parce que là, sinon, j'ouvre la page et puis on l'interview, quoi. Mais c'est que en anglais, hein. Ouais, ah, c'est merde. Pas en anglais après. Mais il y a une version française, mais qui est moins performante parce que moins de monde l'utilise, tout simplement. Mais voilà, n'hésitez pas à aller parler avec Cleaverbot, il est super marrant. Donc le site, c'est lequel? Cleaverbot. Cleaverbot.com. T'écris ça comment pour les auditeurs? Cleaverbot.com. Ok. Putain, je vais aller voir, quoi. Ça m'intrigue. Mais est-ce que James, c'est pas un Cleaverbot? Ah, peut-être. On sait pas. Je sais pas, mais en tout cas, Microsoft, ça fout mal quand tu sais que les mecs qui ont fait Cleaverbot, c'était pas non plus The Big Boîte, quoi. Donc, ouais. Allez, qui enchaîne sur les news? Eh ben, ça va être moi. Ah, moi, oui. Je vais enchaîner, pareil, on va dire, sur de l'évolution par rapport au monde numérique, au monde réel. Je vais vous parler de Battle Kart. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors Battle Kart, c'est un concept presque ça. Alors ça, c'est un concept qui est né en Belgique, à Mouscron exactement. Ah, mais bon, ça c'est. Et donc c'est du kart comme Mario Kart en fait. Parce qu'en réalité, vous foutez de notre gueule, mais nous on a aussi on a des computers. Hein. En réalité augmentée et qui a un aspect RPG en fait là-dedans. Alors tout simplement, ça se passe dans un hangar où le sol est gris, voilà quoi, c'est du ciment, il s'y passe rien. Et t'arrives avec ton petit kart, et là des projos s'allument, et ils projettent sur le sol un circuit avec avec les petits trucs de pneus machin. Et puis c'est pas des circuits linéaires, c'est-à-dire que bon, le circuit est fixe, mais t'as plusieurs passages, donc tu peux prendre des raccourcis un peu à la Mario Kart aussi, ce qui est pas mal. Il y a pas de tremplin, mais ça viendra peut-être. Et donc du coup, il y a des qui sont projetés sur le sol, des cubes où on peut choper pareil des petits bonus alors qui sont au nombre de 2, 4, 6, 7, il y a 7 bonus. Alors il y a une roquette qui permet un petit peu d'immobiliser le véhicule, il y a des mines, il y a des taches d'huile, le turbo, le joker qui donne un petit peu n'importe quoi, le bouclier et le minigun, donc il y a une mitraillette où tu peux mitrailler un peu tes camarades. Alors ils ont 5 maps de disponibles. Ils sont également, alors il y a 2 modes de jeu, donc la Battle Race qui est une course timée tout simplement, donc là t'as un classement à la Mario Kart. Et il y a aussi le jeu des couleurs, donc là on retrouve typiquement le concept de Splatoon où chacun avec son kart commence donc sur une surface blanche et le but c'est de courir partout et de mettre le plus de sa couleur en fait sur le truc. Donc ça peut être marrant. Alors à savoir donc il propose 4 tarifs. Bon, je vais pas tout faire hein, mais on peut faire une partie pendant 5 minutes, 2 parties pendant 10 minutes, 4 parties avec une offerte pendant 20 minutes ou 6 rondes pour une demi-heure. Et donc voilà. Si tu veux être sûr de massacrer ton amitié avec tes potes, dans le choix de stage, tu choisis la route arc-en-ciel. Ouais. Là, t'es sûr que c'est la bonne. C'est celle où il n'y a pas les bords. Je sais pas s'il y est, mais en tout cas, voilà. Là, par exemple, pour, je vous donne le max, hein, pour faire 6 rounds, donc pour jouer une demi-heure, c'est 48 euros. Ouais, ça pique un peu, mais ça pique un peu, ça mais peut être notre voyage de fin d'année avec la voix du geek. Ouais. Ah bah, ça peut être pas mal. Et il y a des tarifs de groupe, donc pour ceux qui veulent y aller ensemble. Oh là là, appel aux viewers. Donc, si je veux faire des dons. Si vous voulez aller faire un tour pour les amis franco-belges ou belges, faut aller donc sur battlecart.eu et vous avez donc le site. Europe. Ah oui, mais EU, si tu dis .Europe, les gens ils vont taper .Europe. Non, c'était j'ai essayé de. Bon, tu me suis. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est tout nouveau et je pense que voilà, ça vaut quand même le petit coup d'œil. Yes. Allez, ta gazo enchaîne, après on s'écoute Robert Parker avec Shooter. Oh yeah. Yes, ah, moi je vais parler du gouvernement français. Oh là là. Ouh. Je vais parler politique dans la voix du geek, ah, attention. Ah, non. Je crois qu'il y a 2 sujets à éviter dans la voix du geek. Ah. C'est Call of Duty. Il et la a le micro coupé. Voilà. Ah, tu vois, je crois que le CSA veille. Le CSA veille. Ben justement, je vais parler d'eux. Donc, je parle d'e-sport parce que il y a eu enfin un rapport du gouvernement français par 2 députés, Rudy Sall et le sénateur Jérôme Durin. Qu'on embrasse. Qui ont fait un rapport à Axel Le Maire, notre nouvelle secrétaire d'État chargée au numérique. Hein, je crois que c'était le maire. Fleur Pellerin qui a été viré. Bon. Donc, ils ont fait des propositions. J'aime bien quand tu parles politique. Et donc, ils ont fait enfin la reconnaissance de l'e-sport par les pouvoirs publics, il était temps. Ils ont fait la création d'un véritable statut pour les joueurs, parce qu'il faut savoir que bon, les joueurs pour l'instant ils sont auto-entrepreneurs ou voilà, ils ont vraiment pas de statut. Intermittent du spectacle. Ah ouais, pour de vrai. Ouais ouais, non mais il y a des joueurs professionnels. Je pense à League of Legends et malheureusement ils ont pas de statut. Donc voilà, la mise en place d'un cadre légal pour les tournois, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais on distribue des fois du cash prize et c'est complètement illégal. Donc voilà, pour les auditeurs, donc il y a de l'argent à gagner. En fait, dans ces tournois de jeux vidéo, ça peut monter à des très grosses sommes. Bah pas en France, parce que justement c'est un peu illégal. Donc il y a des petites sommes. Nous on fait plutôt des bons cadeaux pour éviter les voilà des tickets resto. Enfin sur le dernier tournoi Naruto qu'ils ont fait, c'est un Français qui a gagné. Il a empoché 13 000 euros. Mais le tournoi avait lieu où ? En France, parce que voilà c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ils peuvent être interdits. Donc, pour l'instant, c'est fait, mais voilà, de manière un peu illégale. Okay. Donc là, ça va être un peu plus encadré. Ils pourront même avoir des sponsors qui pourront donner beaucoup d'argent. Donc, ça peut être intéressant. Et surtout, ce qui peut intéresser beaucoup de YouTubers, notamment toi, c'est qu'il va y avoir la dissociation par le CSA de la classification PEGI d'un jeu et des images tirées de celui-ci. C'est-à-dire qu'on pourra aller dans un bar, regarder un StarCraft, des tournois de StarCraft, Et même, voilà, même si c'est un PEGI, je crois, 16 plus pour StarCraft, il pourra y avoir des gens, voilà, qui vont se gêner. Parce que, non, actuellement, mais... ce qu'il faut préciser aux auditeurs, c'est qu'actuellement, dans les bars de jeux vidéo, on diffuse des images de jeux qui sont interdits aux moins de 18 ans. Et voilà. Ça, dans l'idée, c'est illégal. Et ben, s'ils ont plus de 18 ans, ça pose un problème. C'est pour ça que dans les magasins de jeux, je pense à la Fnac, à Cultura, Auchan, Carrefour et tout, quand il y a des bornes de jeux, c'est souvent FIFA, parce qu'ils vont pas mettre une borne avec un jeu. Alors à chaque fois, ils viennent nous voir en disant « Ouais, tu veux pas mettre Call of ?» C'est interdit au moins de 18 ans, donc ouais, c'est interdit par la loi. Et oui, et puis en plus, le multi, par exemple, de StarCraft n'est pas forcément violent, c'est plutôt, voilà, il y a des scènes dans le solo, c'est pour ça qu'il a été PEGI 16 plus. Donc du coup, et ben voilà, ça va pouvoir permettre à de bonnes parties de rigolade avec une bonne bière à la main et de regarder des tournois StarCraft ou LOL ou même Mario Kart. Mais du coup, par rapport au salaire aussi des youtubeurs, des joueurs d'e-sport, en France, il y a pas de limitation non plus ou... Ben là, ça va être mieux encadré, mais je sais qu'ils sont auto-entrepreneurs. Pour ceux que je connaisse, ils sont auto-entrepreneurs ou alors ils passent par des moyens un peu d'associations pour se faire... Tu veux dire que youtubeur, c'est pas un statut? Voilà, youtubeur non plus, c'est pas un statut. D'accord. Je dirais même que c'est pas un métier, en fait. Mais pour l'instant, l'e-sport commence par étapes. Faudrait le dire à certains youtubeurs, quand même. Ouais, carrément. Par étapes. Ouais, j'aime bien sur Facebook, des fois, tu tombes sur des profils employés chez YouTube. Ouais. N'importe quoi. Bon bref, allez les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. On revient juste après Robert Parker avec Shooter. On va parler des jeux d'aventure, toute l'histoire du jeu d'aventure avec notre invité Jean-Luc Sala, ici présent. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. Allez, on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. We'll be right back. écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans la Voix du Geek, toujours en direct jusqu'à 20h30. Et vu qu'on est des mecs sympas, on s'envoie à 30 secondes de yodel. Point trop n'en faut quand même. La solitude. Et tu sais que ce mec va faire fortune. Hein. Franz Lang, il s'appelle. Comment? On a presque Franz Lang. Oula. On a presque envie que ça soit un pote à nous. Non non ah non il est lui il est bien bavarois. Il est bien baveux. Bien baveux. Bien baveux. Bavarois je crois on dit. Quand on habite en Bavière. Ouais, il me semble que c'est ça. Allez, on est toujours en direct, hein, aussi en live sur Twitch. Twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a Dixie, il y a Estors qui nous disent bonjour, salut à vous. Salut, et gars, j'avais salut. Pas vu, il y a mon poteau Vincent qui a laissé un message, il fait, Turok est sorti sous PC, ça tournait sous 3DFX. Je peux vous dire que ça nous rajeunit pas. C'est un truc de ouf. Est-ce que vous avez quelques petites news à finir? J'en ai encore plein. En bref, assez rapidement. Moi, juste très rapidement, je vous avais parlé de Miitomo, la première application de Nintendo, la dernière fois, et ben sort le 31 mars. D'accord. Donc tu vois, c'est très rapide. Et ben on l'essaiera, franchement. Ça m'intrigue. Voilà. Ouais, j'avais juste une remarque à faire à Tagazu, juste très vite fait. J'ai regardé le live de Splatoon. Je l'ai vu aussi, c'est génial. Et alors? Bah c'est non mais c'est marrant. C'est non en fond la musique ouais, c'est cool. Non mais non mais attends regarder, t'as maté ça du début non, à la fin. Non, j'ai pas maté en fond t'as je honte, l'avais mis t'as le honte, live c'est et sûr. Voilà. Ok, moi je vais vous parler aussi de tout simplement de Google Maps, etc., qui nous permettent via le site Google Maps de visiter la Batcave de Batman. Voilà, c'est super marrant. N'hésitez pas à aller faire 2-3 recherches sur Google. Ce con d'Alfred a géolocalisé la Batcave. Ouais. Bon, de toute façon, il se trimballe avec donc avec la Batmobile. Donc voilà, et je vais vous parler aussi de GTA 6 qui commence à être annoncé. Voilà. Ouais, je voulais en parler aussi. Ouais. Et désolé, je vais très bien. Enfin. Qui sera annoncé à l'E3. De quoi, lequel? Red Dead 2. Red Dead. Ah, c'est cool. Ah, on a un fantôme qui rentre dans les studios. Voilà, attention au fil. J'ai appris vite fait que, apparemment, ils avaient pensé à le faire à Tokyo. Ils s'étaient même déplacés pour, à Tokyo pour voir si c'était faisable. Ça aurait été terrible. Et finalement, non. Non, voilà. Parce que le circuit routier de Tokyo fait, il n'y a pas moyen de se barrer en conduisant vite. Non, c'est ça. Et il n'y a pas de ring. Il n'y a pas de rocade autour de la ville qui permettrait de faire un peu les kékés pour se barrer un peu vite. Et du coup, c'est pas jouable. Que, peut-être la Chine. Quoi, tu veux dire que Tokyo Drift alors c'est non, du pipo. Par contre ça veut dire que peut-être qu'ils feront un GTA à Marseille. Oh là là. Genre et t'incarnes Sami Nasseri. Exactement. qui s'est lancé dans le rap où tu conduis une Jeep avec un Labrador et tout. Aïe. Oh là là, pourquoi il a fait ça lui? Oh bah tu sais, c'est moche la drogue. Ouais, là c'est là on l'a perdu, il a touché le fond là. Ouais. Carrément. Tiens, moi je vais parler rapidement du prochain Call of j'ai hâte qui se passe à Marseille aussi. Qui se passe aussi à Marseille. Non, un des développeurs a dit que ce serait très loin dans le futur, il y aurait des combats spatiaux et ce serait riche en science-fiction. C'est vrai. On n'est pas si loin de ce qu'on avait fait pour l'émission spéciale Retour vers le futur. Je suis assez impatient. Ils nous ont écouté. Alors je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Luc Salah, mais rendez-nous les nazis. On a marre de la science-fiction dans les Call of. Mais ils y seront, mais dans l'espace maintenant. Ah, ouais. Dans l'espace. Okay, n'empêche que l'épisode sur Moon là dans Black Ops. Sur oui, c'est vrai. T'avais le mode zombie. Ouais. Il était super cool ce mode sur la Lune. Là. Mais de toute façon, c'était il devrait faire justement comme dans le mode zombie un côté rétro-futuriste. Où t'as ce côté un peu années 80, 70 et en même temps t'as des trucs un peu tu vois high tech. Ça me fait penser à Alien moi. Alien c'est énorme parce que quand tu le remates maintenant c'est du turfu mais des années 80. Ah oui ils ont des minitel. Ouais. Mais ouais les gonzes t'es dans quand tu joues à Alien le sur PS4 là c'est trop fort, t'es dans un vaisseau sauf que les scaphandres ils sont à pattes d'eff et tout quoi. C'est un truc de ouf, j'adore. The Order aussi était un petit peu comme ça. Hein, ouais. Oui c'est vrai. Ouais. Carrément. Ce que je comprends pas avec Call of Duty, c'est que depuis qu'ils sortent des épisodes dans le futur, genre tout le retour des fans qu'ils ont en général, c'est qu'ils en ont plein le cul et qu'ils veulent retourner dans les tranchées et la Seconde Guerre mondiale. Et les mecs juste après, ils font bon, alors on va aller encore plus loin dans le futur. Ouais, non, mais c'est trop ça. C'est un truc de ils sont fou, à l'écoute même. De leurs fans et c'est ça c'est bien. Une vision plaisir, comme ça. Je vous aime, vous me vendez du rêve. Mais est-ce que si tu vas pas trop loin dans le futur, tu reviens pas par revenir en arrière? Peut-être. C'est le prochain au-dessus des mammouths. Voilà. Call of Duty primal. Ouais, putain, ce serait top. Ah merde, on l'a déjà vu ça. Ouais. Bon, un truc dans l'idée quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, faites Far Cry Blood Dragon, ce sera bien mieux, ouais, je pense. Ouais, je crois que c'est pas prévu du tout. Hein. C'est clair. Ouais. Allez, vous voulez qu'on parle un petit peu des jeux d'aventure? Les plus malins auront reconnu derrière la bande-son de Day of the Tentacle. On va faire un petit point. Alors, il y a... Tiens, salut Rokumaru, qui nous dit bonjour. On va faire un petit point sur l'histoire des jeux d'aventure. Parce qu'avant d'avoir la forme qu'on lui connaît, donc les point and click, où on déplace le personnage en cliquant et on clique sur les objets... Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux... Alors, j'ai trouvé un site qui est très très bien, où ils expliquent tout ça. Et en gros, le premier jeu d'aventure s'appelle Colossal Cave Adventure. Et en gros, c'était un jeu... Alors, c'est développé par William Crowther. Alors, je vais pas vous inonder de termes et de noms et de dates. Mais en tout cas, c'était un texte... Enfin, c'était un jeu sous forme de texte. Ah, sur Amstrad CPC, oui, je crois, à l'époque. Ouais, ouais. Sur PDP 10. Oh, c'est encore pire. Alors, tu vois, c'est une vieille console, ça ne me dit rien du tout. C'est quoi la date? Alors c'était en 80, dans les années 80, fin 70, début 80. Ah, j'avais pas encore d'ordi. Et en gros, ce qu'il faut imaginer pour les auditeurs, c'est que c'est un jeu qui était sous forme de texte. Il n'y avait pas d'image. Oui. En gros, on lançait le jeu et il y avait un texte qui disait vous rentrez dans une pièce, c'est où ça. Il fait sombre, des trucs comme ça. C'est un peu les bouquins dont vous êtes le héros. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il tire ce nom-là, Cave machin chose, c'est parce que la première phrase c'est vous rentrez dans une cave, enfin en anglais, tu vois. Voilà. Yes, ils disent pour limiter la mémoire prise, l'interpréteur est minimal et le texte assez lapidaire. La première société s'appelait Infocom. Les aventures étaient variées, allant du policier à la science-fiction, et le public suivi tout au long des années 80. Ensuite, bah, le jeu d'aventure textuelle, en gros, le joueur, il doit saisir les actions qu'il souhaite faire effectuer au personnage. Ah mais oui, j'ai fait ça. Et c'est quand on y pense, c'est assez hallucinant en vrai. Bah, le mec avait rentré tout un tas de codes qu'il fallait genre jump. Bah, c'était des mots-clés, ouais, avec un dictionnaire de synonymes en fait. Ouais, donc ouais. Si tu mettais sauter ou j'ai pas de synonyme de sauter. Courir. Moi j'en ai plein mais. S'accroupir. Tu vois, ils disent un exemple typique. Lorsque le personnage dirigé par le joueur entre dans une pièce, le joueur pourra saisir la commande examiner pièce. Le cas échéant, le jeu produira à l'écran une description de la pièce. Vous vous trouvez dans une vaste pièce, au mur de pierre, etc. La plus grande difficulté dans ce genre de jeu résidait pour le joueur dans la nécessité d'entrer les commandes de la même façon qu'elles avaient été pensées. Donc en gros, ouais. Si tu disais regarder autour de toi et que le programmeur il avait dit autre chose, observer justement, observer alentour, ouais. ça marchait pas. C'est t'imagines vrai. La tanasse quoi. c'est un truc de dingue, c'était hyper austère. Les jeux bien programmés étaient capables de s'affranchir de telles limites en utilisant quelques règles de simplification grammaticale, ignorer les articles, ignorer la conjugaison ou utiliser des dicotes de synonymes. Ouais, donc t'avais des dicotes synonymes où tu pouvais rentrer les ordres dans les phrases dans le désordre. Tu pouvais parler à la Yoda tant que t'avais les bons mots, ça matchait. C'est Jean-Luc qui a créé le jeu. Hein, Non, mais c'est les premiers jeux d'aventure, c'est vrai. J'ai connu ça sur mon Oric. En fait, c'était la version informatique du jeu de rôle sur papier, en fait. Ben ouais. Donc ouais, c'était assez ouf. Et donc ouais, il faut bien imaginer rien à l'image à part du texte, quoi. Donc en gros, c'était vraiment l'imagination. Ensuite, il y a eu la piste graphique. En gros, là, il faut imaginer un fond noir et des traits blancs. Oui. Alors, qui indiquait s'il y avait une porte à droite ou à gauche. Ça c'était. C'est assez hallucinant. Hein. Ouais. On appelait ça la 3D. En mode texte, hein. On appelait ça la 3D fil de fer. Mais... Yes. Ils disent la grande nouveauté qui suivit fut l'introduction de l'image, un graphisme sommaire des lignes blanches maladroites sur un fond noir. Alors je sais pas si vous imaginez, et on tapait les codes à la main quoi. Enfin, moi ça me fait halluciner l'austérité du truc quoi. Donc il y a eu ça, ils disent un graphisme... Dans la foulée, des jeux exploitant au mieux les ressources graphiques disponibles sont mis sur le marché en 82 comme Sherwood Forest, Masquerade... Il y avait Wizardry. Yes, et Transylvania, dans les années 80. Ça nous rajeunit pas, hein. Ah non, surtout pas moi. Bah moi j'étais mort. Mais certains n'étaient pas nés, voilà. J'étais mort. T'as des trucs à nous avouer. Ouais. Et tu vois, ils disent, se pose alors un autre problème. L'introduction des images dans les jeux d'aventure implique des capacités de stockage plus importantes. Les premières aventures graphiques nécessitaient un grand nombre de disquettes pour leur installation. Ah, les disquettes. Putain, jusqu'à ce que le CD-ROM fasse son apparition. Pour la petite info, Day of the Tentacle, moi quand j'y ai joué, il est sorti sur PC, absolument. Il était sur disquette, il y avait 7 disquettes pour jouer au jeu. Ouais, non mais t'imagines, parce qu'il y avait les voix. Exactement. Comme sur Xbox. Ensuite, l'initiateur Sierra. Alors Jean-Luc, est-ce que ça te parle ou Kogu? Oui, oui, oui. Alors un peu avant, il y a eu le comment ça s'appelait, l'Aigle d'or sur Auric Atmos, qui a vraiment été le premier gros jeu d'aventure graphique et qui était français, Cocorico. Yes. Et qui était qui se passait dans un château. Ah, c'était dans un château, en oui. En Transylvanie. Ah oui, je l'ai fait. En Westphalie, ouais, ouais, l'Aigle d'or. Et moi, je l'ai jamais fini parce qu'à un moment, tu te fais attaquer par une chauve-souris qui avait l'air super buggée. Et moi, je me rappelle juste être au fond du trou et pas avoir pris la corde. Ça. Ouais, aussi. ce fameux. Oui, parce que les programmeurs étaient joueurs, c'est-à-dire ils s'amusaient pas spécialement à imaginer qu'on puisse faire des conneries. Et donc, des fois, on se bloquait le jeu, il fallait tout recommencer. C'est ça. Et voilà. Et en fait, ça, c'est assez important ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, là, j'ai toute une histoire qui est assez hallucinante. À la fin des années 70, Ken Williams cherche à monter une société de logiciels destinée aux entreprises. L'ordinateur qui domine le marché à l'époque, c'est l'Apple II. Un jour, il ramène chez lui pour travailler au développement d'un programme de comptabilité un terminal de télétype. Alors tu vois, le truc, faut imaginer, c'est à l'ancienne. Hein. Fouillant dans le catalogue, il trouve un programme nommé Aventure. Il appelle alors son épouse et tous deux l'exécutent. Leur rencontre avec le jeu de Crowers et Wood va à nouveau infléchir considérablement l'histoire du jeu vidéo. Ils se mettent ainsi à jouer grâce au terminal à 2000 km de distance à une version de Colossal Cave Adventure qui se trouve maintenant sur tous les ordinateurs du pays. L'ayant terminé, ils se mettent à la recherche de quelque chose de similaire, mais à l'époque, le marché est très peu développé. Roberta Williams se met alors à réfléchir à son propre jeu. Le concept d'aventure textuelle lui plaît beaucoup, cependant, elle pense qu'avec des images, le joueur aurait une meilleure expérience. Elle crée Mystery House, je sais pas si ça vous parle, le premier jeu d'aventure graphique, une intrigue policière inspirée des Dix Petits Nègres. Ensuite, Ken passe quelques nuits à développer le jeu sur son Apple II et finalement, ils font des paquets avec des sacs en plastique zippés contenant des disquettes 5 pouces du jeu et un papier photocopié le décrivant. House est un énorme succès et même si Ken pense que le marché du jeu est beaucoup moins porteur que celui des logiciels, il persévère. C'est ainsi que les Williams font en 80 One Line System qui deviendra Sierra Online en 82, une compagnie qui va être un acteur majeur du jeu vidéo dans les années 80. Ouais, c'était un peu les prémices à la Prince of Persia, mais version encore plus vieux, quoi, au final. Non, mais carrément. Et là, c'est là où vous allez vous dire, mais voilà, c'est là où je veux en venir. Mais Sierra n'en reste pas là. Jusqu'alors, les aventures sont des jeux à la première personne. Les images présentent le décor comme vu au travers des yeux du joueur. La société des Williams va introduire une nouveauté avec sa série King Quest, dont on a eu droit au remastered récemment. Le jeu à la troisième personne. En effet, profitant des techniques développées dans les jeux d'action, qui ont beaucoup progressé, Ken va introduire dans l'image un personnage animé que le joueur manipule et qu'il représente dans l'univers du jeu. Avec les 3D Animated Adventure, un nouveau standard est né et quasiment toute l'industrie va s'en emparer. Donc voilà. Et ils disent, les commandes sont cependant toujours entrées au clavier par le joueur et analysées par un analyseur syntaxique. C'est hyper austère. C'est clair. C'est-à-dire que porté à aujourd'hui, avec l'orthographe de nos petits jeunes, les jeux ne finissent plus. Ça serait n'importe quoi. Bloqué à la première scène. Non mais c'est ça quoi. Nick le Strum. Mais t'imagines, mais what the fuck. Tu rentres dans la pièce, ouais, trop le seum. Donc en gros, il dit, Sierra ne cessera jamais de développer des nouveaux jeux et d'innover en repoussant les limites techniques. Donc quelques jeux sortis par Sierra, Mission Astéroïde, The Wizard and the Princess, Cromstone Manoir en 81, donc c'était peut-être celui-là, non, dont vous parliez tout à l'heure. Non, c'était bien l'Aigle d'or. Ouais. Ok. Il y a Soft Porn Adventure aussi dans les années 80. Soft Porn, ah oui, ouais. On est passé à côté de ça. Ouais. Ouais. Et bien sûr les séries de King Quest, Space Quest, Lesuir Suite Larry. Ah oui, ouais, c'était génial. Alors, est-ce que vous voulez nous en parler? C'est là où je voulais en venir. C'était un petit peu long au début. Je suis désolé, mais voilà. Y a-t-il des pervers autour du micro? Alors, non, ouais. Quelqu'un nous parle de Lesuir Suite Larry. Moi, j'ai vu. Hein, j'avais un modèle sur PS3 à l'époque. On était sur un bateau. C'est ça, sur un gros paquebot. Des yachts avec des filles pas très habillées. Ouais. Bah, disons que ce jeu a très très bien fonctionné chez la gente masculine, puisque c'était concrètement un des premiers jeux où on pouvait jouer une sorte de toons. Qui nous appartenait. Donc là, c'était Larry. Donc riche mania. D'ailleurs, je sais plus comment il avait tout cet argent. Je me rappelle plus son histoire. Je sais pas si c'était pas un développeur informatique, un truc du genre, je crois. Ouais, et puis du coup, on le voyait tout le temps, aux prises avec de superbes donzelles, très pin-up, très très charnu, très pavillé. Et le but du jeu était forcément tout le temps de pouvoir dévêtir, effeuiller et faire des conquêtes. Voilà. Et curieusement, à partir du moment où tu touches une vraie fille, tu joues plus à ces jeux-là. Et donc, eh bah oui. Donc voilà. Donc c'est vraiment. Donc j'y ai joué jusqu'à 28 ans. Je voulais pas aborder le sujet. Tiens, on embrasse Rokumaru et Tatsu Nao. On nous regarde depuis le Japon, c'est pas possible. Qui viennent de follow. J'ai oublié le poète poète. Merci à vous. Ils ont fait aussi les Police Quest, Heroes Quest. Et Gabriel Knight, je sais pas si ça vous parle. Ouais, alors Gabriel Knight, ça a été vraiment le succès. Moi, j'avoue, j'ai pas joué à tous les quests, mais Gabriel Knight a été le premier truc, on va dire, qui a dépassé le cercle des joueurs des quests. Okay. Qui a vraiment été un des très très gros jeux d'aventure de l'époque. L'incontournable du jeu d'aventure, c'était ça. Yes. Ensuite, là, ça va nous intéresser, les jeux LucasArts. Non, ah, je vois pas oui. du tout près du parc. En 87, personne ne semble pouvoir lutter contre la puissance de Sierra lorsqu'un programmeur nommé Ron Gilbert, avec la collaboration de Eric Wilmender, travaillant pour la société Lucasfilm Game, devenue depuis LucasArts, développe une avancée fondamentale, le système d'écriture par script. Le SCUM. Exactement. Eh oui. Et l'interface point and click. Au lieu de devoir taper les commandes destinées à l'analyseur syntastique, syntastique. Celui-ci est saisi au moyen d'icônes textuelles. À la syntastique, titastique. Ah, on va se faire voilà, j'ai entendu un bip. Ouais, ça sonne. On n'entend pas. Ah, il est très très loin. Ça ne marche pas. Attends. Il faut allumer les deux, je crois. Les deux sont allumés, mais bon, bref, je ferai ça après. Je ferai ma connerie après. Ouais, ouais, carrément. Donc on en était où? Voilà. Pour interagir avec son environnement, le joueur clique sur un ordre. Par exemple, utiliser sur une icône représentant un objet de son inventaire, utiliser clé ou sur une zone de l'image, utiliser la clé sur la porte. De cette façon, deux ou trois clics intuitifs remplacent la saisie fastidieuse et hasardeuse imposée par les analyseurs syntaxiques. La rupture avec le temps des aventures textuelles est définitivement consommée. Ce système est mis en œuvre pour la première fois dans le jeu Maniac Mansion, qui imposera la pérennité du système SCUM de Lucasfilm. Oui, et un des grands plaisirs du système SCUM, justement, c'est qu'on pouvait aussi tenter des trucs pas du tout logiques pour voir si les programmeurs y avaient pensé. Du type, utiliser clé sur hamster, juste pour voir. Et ça fonctionne. Et des fois, il y avait des trucs très très très drôles qui étaient déclenchés en se disant, oh non, ils ont quand même pas pensé à ça. Des trucs un peu tordus. Et effectivement, si. Et tout l'intérêt des jeux qui viendront par la suite, c'est qu'ils sont faits par des pervers, la bande à Ron Gilbert, Tim Schafer et tous les autres, et que là ils se sont mis vraiment à faire des trucs très très très cons qui ont bien accroché. Là, notamment le hamster, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. D'ailleurs, ce tentacule, je l'ai mis dans le micro-ondes et ça a marché. Il y a eu un trophée pour ça. Oui, ouais. Mais oui, ouais, carrément. Et ils disent bien ne pas le faire dans la vraie vie. Oui, oui, carrément. Mais c'est plein d'humour. On va en parler de Day of the Tentacle, puisque le remaster est sorti sur console next-gen. Donc ensuite, ils disent... Voilà, et ça, c'est assez important. LucasArts va aussi se différencier de son principal concurrent en repensant certains concepts des jeux d'aventure. Il n'est ainsi plus possible de mourir au cours du jeu, comme cela était courant jusqu'alors, ce qui obligeait le joueur à développer une contraignante stratégie de sauvegarde. Exact, mais ou de se retrouver coincé au fond du tunnel alors qu'on n'a pas acheté la corde. Et oui. Et d'être obligé de recommencer tout le jeu depuis le début, ce qui était le cas des jeux précédents. Donc il y a du game design, des gens qui réfléchissent un petit peu au parcours, à l'expérience du joueur et qui sont là pour le punir, juste. Mais on pouvait être bloqué. Hein. Moi, je me rappelle d'avoir été bloqué dans Day of the Tentacle pendant 3 nuits jusqu'à ce que je comprenne le coup du hamster, par exemple. Ouais. Voilà. Et qui est hyper logique. Après, quand on est dans le délire, on se dit, bah oui, en fait, alors on va peut-être pas spoiler le truc. Ouais, si, on peut en dire. C'est surtout qu'à l'époque, les jeux étaient beaucoup moins dirigistes qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, le joueur lambda, on le prend par la main pour lui faire débuter le jeu et pour l'amener à la fin. À l'époque, c'était pas le cas. Mais pas du tout. Bah, dans Day of the Tentacle, c'est sur trois périodes, trois époques. Ouais. Et on pouvait avancer de façon assez anarchique entre les trois. Ouais. Moi, j'ai repeint les pommes en rouge pour que George Washington aille couper le cerisier et tout. J'en suis là. Et tu vois, ils disent de la même façon, tout est fait pour que le joueur ne soit jamais complètement coincé dans le jeu. Par exemple, parce qu'il aurait oublié de ramasser un objet indispensable au tout début. Ron Gilbert répugne aussi à imposer des énigmes à temps limité qu'il juge très frustrantes pour le joueur. Et ouais, c'est pas faux ça. D'où les trois nuits à réfléchir à ça. Et oui, oui. Devoir effectuer une certaine action pour échapper à un monstre en moins de 10 secondes, mais devoir s'y reprendre à 20 tentatives par tâtonnement successif. Ah, comme dans Another World. Another World, je l'ai acheté, j'ai jamais été au bout quoi. Ah, j'accroche pas des masses. Ah, il m'a rendu fou ce jeu. Bah, dès qu'il y a du chrono en général. Ah ouais, non. Enfin, moi j'aime pas quoi. Ouais, carrément. Ils disent, les jeux LucasArts abandonneront le système de points qui, comme dans les jeux Sierra, indiquait la progression du joueur dans l'aventure et qui était un étrange héritage historique des jeux d'action, notamment les jeux de plateforme où l'objectif du joueur était de battre des scores. Et ouais. On entre ensuite dans l'âge d'or du jeu d'aventure. Ces nouveautés sont immédiatement prises en compte par la concurrence. Donc après, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu les Secrets of Monkey Island. Ah ouais, c'est les chefs d'œuvre. C'est génial. Ouais. Ouais. Carrément. Eh ben tiens, il y a une liste. On va en parler un petit peu. Indiana Jones and the Last Crusade. Le meilleur scénario d'Indiana Jones jamais écrit. Voilà. Pourquoi il n'a pas été porté à l'écran? Voilà, et ben ils en parlent. Ils en parlent justement. Là, il y a Indiana Jones 5 qui est en préparation et ils cherchent un scénario. Et le scénario de ce jeu serait pressenti. Ouais, ça serait bien. Attends, mais on disait déjà ça pour le précédent. Et on a vu que c'était pas le cas. C'est qui va faire Indiana Jones? Bah, je crois que c'est Harrison Ford. C'est obligé. Si, je l'ai vu sur internet, Harrison Ford serait prévu pour faire le scénario. Mais en fait, son contrat, on fait une parenthèse. Oui, oui, vas-y. Si vous l'avez vu courir dans Star Wars 7, oui, ça vous semble une bonne idée? Non, c'est son fils dans Indiana Jones. Il est rouillé. Dans Star Wars 7, quand il court, il a les mains très près du corps quand même, tu vois. Pour la petite histoire, il s'était blessé. Il s'était blessé sur le tournage. Il a passé son temps à essayer de se tuer entre deux tournages, donc à base d'avion ou de portes de vaisseaux spatiaux. Mais non, en fait, il a le meilleur contrat d'Hollywood, ce qui fait que, enfin, sur Indiana Jones, c'est pour ça qu'il y a eu très peu d'Indiana Jones, parce qu'il est extrêmement bien payé pour chaque film, et que si jamais on faisait un film long métrage Indiana Jones sans Harrison Ford, il est payé pareil. Donc il faudrait payer un acteur pour faire Indiana Jones, mais que lui serait payé pour pas le faire. Hey, et donc et c'est pour ça qu'on a très peu de films, parce que à l'époque il avait négocié. Le mec, il sortait de Star Wars et il avait Spielberg et Lucas le voulaient absolument. Il a dit je veux ça, donc il a demandé genre un truc hallucinant. Les mecs disaient bah ouais, parce que de toute façon tout le monde était pété de thunes, il n'y avait pas de problème. Le problème c'est qu'après il a toujours demandé plus et que mais voilà. Du coup ça prend fin quand il meurt ou... Alors il y a beaucoup de chances que... Spoil, il y a beaucoup de chances qu'il y ait un passage de relais. En fait, là, il fait la tournée des films qui ont fait sa carrière. Donc là, il a clôturé son compte Star Wars il y a pas longtemps. C'est clair. Il va vraisemblablement clôturer son compte Indiana Jones en faisant une transmission de chapeau, peut-être à Chris Pratt, peut-être à autre chose. Bon, mais j'ai une autre théorie. Et il va sûrement faire la même chose sur Blade Runner, puisque il joue dans Blade Runner 2 et qu'il va sûrement transmettre aussi le pistolet à un nouveau chasseur de réplicants, en répliquant lui-même. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau technologie maintenant, on peut faire du masque numérique, comme dans Tron, qu'on a pu voir aussi, dans Tron, exactement. Et qui est super bien fait, je trouve. Ça piquait encore un peu, mais dans Benjamin Button, Brad Pitt n'a sa vraie tête de Brad Pitt que pendant 10 minutes du film. Le reste du film, il est ou rajeuni ou vieilli, et quand il est vieilli, en fait, c'est un masque numérique. Ouais, comme je pense à ça dans Captain America. Exactement. Quand il est petit, le 1, quand il est enfant, ado, ouais. Dans Deadpool aussi, toute la partie où il est maquillé brûlé, c'est pareil, masque. Ouais, moi je pensais que c'était du SFX et du maquillage, mais non, en fait c'est que c'est que de l'image. Donc on est à deux doigts, mais après c'est juste des accords. Il faut que l'acteur soit ok. Mais si l'acteur donne son accord pour qu'on utilise, parce que c'est une doublure numérique en fait, c'est son image. Donc sachant qu'il sait négocier ses contrats, je pense qu'il serait assez malin pour faire ça, de dire je veux bien un clone de moi jeune. Et c'est un autre acteur dans la vraie vie. et c'est un autre acteur qui joue et donc qui court et tout ça. Et moi, je fais juste la voix à la rigueur, ou même pas. On prend un imitateur et je touche quand même. Ah ouais, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Faut que je renégocie mon contrat avec mon patron. Moi. Ouais. Yes. Fin de la parenthèse. Yes. Bon bah de toute façon, il est 20:00, il est 20h. On va s'écouter le Scud et puis on revient juste après. On va continuer à parler de ça. Et puis il y a une autre série de jeux d'aventure qui a fait avancer vraiment l'histoire du jeu vidéo. Ça commence par un M. Monkey Island. Non. C'est dans un autre style. Mais Monkey Island, on va en parler. De toute façon, on va parler des autres Indiana Jones, de Monkey Island, de Full Throttle. Ah oui. J'aimerais bien que vous nous en parliez dessus là, parce que j'ai jamais fait. Ah top. Full Throttle, j'adore. Génial. Et les Monkey Island et compagnie. Et qui me regarde avec un air hébété. Je cherche le M en fait. Ah. Et je crois qu'il en a parlé il y a pas longtemps là. C'est pas une nana là, l'héroïne?

C'est Bézaï, comme on dit dans le métier. N'hésitez pas, hein, si vous voulez laisser des messages, qu'il y a eu un auditeur qui vient d'appeler. Donc pour laisser les messages, il y a Facebook, Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Et puis sur Twitch, twitch.tv/La Voix du Geek, La Voix avec un E. Et puis voilà, le chat est ouvert. Et puis voilà. Donc c'était qui l'auditeur? Il a pas donné son prénom, il l'appelait en masqué. Oh. C'était Zorro, je crois. Vilain. C'était Zorro. Allez, je rebalance la bande son et puis on continue cette spéciale aventure avec notre invité, Jean-Luc Sala, scénariste bande dessinée, prof à l'ECV, des vertes et des pas mûres. Alors, on était en train de parler justement des jeux. Est-ce que vous nous parleriez des Monkey Island? Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse un duel d'insultes pirates? Allez. Alors j'ai oublié, mais c'est ça qui était génial. C'était un jeu où tout d'un coup tout était textuel quand même. Il n'y avait pas encore de voix dans les Monkey Island et tout était en mode, enfin les textes, les dialogues s'affichaient. Et au lieu de faire un simulateur de combat de pirates où on se tape dessus avec des épées, en fait toute la violence est devenue dialoguée. Verbal, et donc c'est des jeux de verbal. Si tu insultes le pirate en face de toi et que tu compares sa mère à un singe. Ouais, c'était souvent la mère, hein, oui, dans mes souvenirs. Tout d'un coup, ça débloque plein d'autres réponses pour l'adversaire où il va pouvoir rebondir sur singe ou sur mère. Et en fait, c'est celui qui balançait la vanne la plus épique. C'était Yo Mama, mais au pays des pirates. Ouais, ouais. Et ça ferait un super concept de jeu indé maintenant, en fait. Ouais. Hein, en vrai. T'imagines, en ligne, tu sais. Et donc, il fallait vraiment essayer d'être le plus drôle ou débile, et on gagnait les duels comme ça. La classe. Mais Monkey Island, ouais, c'était un truc complètement ouf de parodie de films de pirates, et en même temps, alors il y a un secret dans le secret de Monkey Island, c'est qu'on se rendait compte. Pareil, alors c'est théorie du complot, mais en fait c'est vrai. C'est qu'en fait on est dans une attraction de type Pirates des Caraïbes, puisqu'il y a de temps en temps des distributeurs de boissons, voire même à un moment on trouve un passage secret, on s'échappe et on est dans les coulisses du parc. Mmh. Et c'est terrible. Ouais, en fait plein de gens qui pensent qu'ils jouent à un truc dans un univers de pirates, mais c'est un univers de parc d'attractions de pirates. Yes. C'est marrant parce que c'est un easter egg qui change toute la donne au final au niveau de l'histoire, quoi. C'est cool. Voilà. Yes, on a eu aussi. Toujours chez LucasArts en 93, Sam & Max. Oui. Ah oui, les deux détectives, avec le chien et le lapin. Ouais. Le lapin, mais complètement furieux et violent, ouais. Et le chien qui fait son enquête à la Colombo. Et ça, c'était dément. Ouais, vraiment très très drôle. Encore plus con. C'est-à-dire, la patte LucasArts, c'était de faire des blagues les plus loufoques possibles, les plus bizarres, et sans que ça soit potache ou cul. Justement, c'était vraiment très très Tex Avery, très couillon, et je crois que Sam & Max c'était le plus couillon. Yes. Ensuite, on a eu Full Throttle. Alors celui-là, c'est le plus rock'n'roll. Ouais. Oui. Alors ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire de Full Throttle? Bah Full Throttle, au départ, ça commence, on voit on voit une voiture super futuriste déjà, elle touche pas le sol. Elle roule dans le désert et on voit deux personnes qui sont en train de discuter. On voit qu'ils sont plus ou moins en train de fomenter un sale plan. Ouais, c'est des et en définitive, ce sont voilà des mecs qui bossent pour une boîte qui fait des moteurs. Je me rappelle plus le nom, mais ça joue encore sur General Motors. Ça reprend un peu le nom. Et concrètement, ils sont en train d'essayer. On va dire la boîte, elle s'est développée en faisant des moteurs et notamment des moteurs de moto. Et en fait, là, ils sont en train d'essayer de virer le boss de cette boîte pour reprendre la boîte rien que pour eux et pour faire des moteurs de voiture, parce que la voiture, c'est l'avenir. C'est donc voilà. Et du coup, nous, on incarne un motard, une sorte de Hells Angels de l'époque, qui se retrouve embarqué dans cette histoire un petit peu malgré lui, et il va rencontrer une personne, une fille, et cette fille va être très importante puisqu'elle va avoir un lien avec cette société, donc General Motors, et voilà. Et en fait le grand patron de cette boîte est assassiné, et à nous de pouvoir faire rétablir la justice et de montrer qui a tué le grand patron. Ouais, et il faut sauver en fait les motos de type Harley Davidson, parce que c'est pareil, ça. On prononce pas le nom, mais il y a alors il y a des trucs très débiles, mais c'est le plus rock'n'roll. Il y a vraiment des scènes de poursuite, on se tape dessus à coups de baramine. Ah, oui. L'interface graphique, elle est dans mon bureau, cette interface l'interface graphique, elle me sert de rideau. Je l'ai en imprimé sur rideau, et c'est, on peut taper avec la main, taper avec le pied, on peut parler, donc il y a un crâne en fait avec un pied, une main qui dépasse. Oui, on peut réparer et on peut regarder. Donc on pouvait faire des tas de trucs, et donc à chaque fois c'était très violent. C'est-à-dire autant d'habitude c'est regarde ça, là pour regarder on arrachait plein de trucs pour dégager le truc, ouvrir la porte, on la défonçait à coup de point ou à coup de pied, on choisissait la nuance. Et mais c'était très positif, le héros était très gentil finalement, un gentil Hells Angels. C'est là qu'on s'aperçoit que ceux en blouson de cuir sont très gentils, et l'école blanc en fait faut s'en méfier. Ouais. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, bonjour, je suis Mike Horn de l'émission The Iceland sur D8. Vous faites une spéciale aventure, moi je vous dis, sans déconner, venez me chercher. Moi je n'en peux plus, l'équipe des jaunes a fait une grossière erreur en faisant son pipi. Moi j'en peux plus, faut venir me chercher là, je n'en peux plus, je mange des noix de coco toute la journée, et hier j'ai chié en boutique. Il faut venir me chercher, au secours. J'envoie une bouteille de vin rouge à la mer, j'espère que vous avez mon message. Terminé. Ah, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de Mike. Ah oui, carrément. Il est perdu sur son île, sur l'émission, dans l'émission. Je crois que c'est sur M6 ou D8, je sais plus. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre avant qu'on parle du jeu mystère? Moi, je voulais en parler. T'as commencé. Justement, qui est sorti entre les Telltale qui maintenant en font une franchise. Qui sont des anciens LucasArts, la plupart. Ouais, ouais, j'allais en parler aussi. Et je voulais parler de The Next Big Thing. Exactement. Que moi, j'avais vachement kiffé. Voilà. Je sais pas si t'en avais. Oui, si je l'ai, d'en parler. Mais voilà, ça se passe dans un univers hollywoodien où en fait on se rend compte que les monstres qui sont dans les films en fait sont des vrais monstres, mais très humanisés, qui sont des fois très intelligents et tout. Et voilà, faut mener l'enquête et tout. Et moi, j'avais bien kiffé celui-là. Ouais, j'ai pareil. Pas énormément de souvenirs à part le fait que j'ai trop kiffé, quoi. Voilà. Carrément. Mais il fait partie aussi des dignes descendants. Il y en a plein. On va les citer après, mais il y a plein de jeux, même qui sortent encore maintenant, qui sont sous forme de point and click. Il y en a même sur Wii. Il y en a plein. Ensuite, il y a eu une série qui est sortie et qui a un petit peu bouleversé tous ces codes. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez une petite idée? C'est sorti en 91. C'est alors Jean-Luc nous l'a, il nous l'a soufflé tout à l'heure. C'est pas Fist, un truc dans le genre. Fist. Si, si, si, Fist. Ouais. Les secrets de Fist. Allô? Oui, c'est James. J'ai repris le talkie-walkie de mon beau-frère. Je suis James Patagirl. Je suis professeur à la CUNY Linguist Institute du Massachusetts. Je crois que Fist, ça veut dire enfoncer son poing dans le cul. Je crois que c'est ça. Allez, oh le con. On voit, les références. C'était pas assez clair. Putain mais merde quoi. Faut couper le micro là c'est drôle. On se fait pirater, je sais pas d'où c'est. Et tu sais que tout à l'heure, en recherchant la fréquence, parce que j'avais déréglé les talkies, je me suis dit putain on va tomber sur la fréquence de je sais pas quoi, t'es la police hein. Ouais. Genre, oui je suis, je recherche Sadomaso. C'est un truc. Oh merde. Alors, est-ce que vous avez une idée de cette série de jeux? Oui. Allez, balance. Allez, Jean-Luc, on t'écoute. C'est, donc c'est Myst, alors. Je me suis trompé, mais c'est ça. Et oui, c'est Myst. C'était Myst. Bien pourri. Ah, alors voilà, je suis assez d'accord. En fait, c'est le genre de jeu, moi j'adorais l'univers. Alors, quelqu'un veut nous parler un petit peu de Myst, à quoi ça ressemble, c'est sous quelle forme c'est, sinon j'ai un petit résumé. Ta gazou, il était chaud, je crois. Ah non, pas du tout, parce que justement, ce que j'expliquais, ce genre de jeu, moi je trouvais que j'étais trop acteur et pas assez joueur, et donc Et oui, c'est assez contemplatif, ouais. Voilà, c'est assez contemplatif, donc... Et il a un digne successeur qui s'appelle The Witness. Qui est assez bon, assez chaud, mais voilà, qui est plus moderne. Alors ils disent en effet, le jeu Myst se distingue d'une part visuellement et d'autre part grâce à son type de puzzle et de narration. Il s'agit d'un retour à la première personne qui comporte peu d'animation, mais dont les images sortent totalement du style dessin animé. Au lieu de se baser sur l'humour, le jeu se veut intrigant, prenant avec une musique envoûtante et des puzzles, alors d'une logique implacable, ça j'ai un doute quand même. Parce que... c'est aussi le début des Solus, c'est-à-dire autant on pouvait finir un jeu LucasArts avec du jus de cerveau et du temps, mais on y arrivait. Autant c'était le début. Bah, après, il y avait la presse qui était très contente. Hein. Ils ont jamais vendu autant de Gen 4 et de joystick qu'à cette époque-là, parce que pour finir ce genre de jeu, il fallait avoir la Solus. Ouais, carrément. Bah, c'était avant Internet, parce que maintenant, du coup, voire même avec la Solus, il fallait la comprendre. C'était déjà compliqué. Non, mais grave. Ouais. Mais Myst, en fait, c'est alors c'est un accident technologique. C'est-à-dire, le jeu n'est pas forcément intéressant, il n'est pas forcément palpitant, mais c'était le seul jeu qui rendait justice aux nouvelles cartes graphiques. Qui permettait d'afficher plus de couleurs, parce qu'il faut se rappeler qu'on était en 800-600 dans les meilleurs des cas, et en 640-480 à l'époque, et qu'on était en 16 couleurs ou 32 ou 64, truc de dingue, vraiment, quoi. Voilà, c'était vraiment très très compliqué, et que surtout on commençait à s'équiper à cette époque-là en CD-ROM. C'était la première fois qu'il y avait des CD-ROM et qu'il fallait les remplir avec des trucs, et donc on a commencé à mettre des petites scènes en images de synthèse précalculées et avec des vrais acteurs, avec même. Des vrais acteurs sur fond vert, puisque c'était non, sur fond bleu à l'époque, ils étaient bleus les fonds verts, et donc bah, finalement on achetait ces trucs-là pas parce qu'on les achetait et qu'on les kiffait, c'est en fait c'est des succès fantastiques, parce que quand on achetait un CD-ROM, parce que à l'époque on achetait pas un ordi avec un CD, on achetait son ordi et à un moment on mettait un CD-ROM dessus qu'on avec son tournevis on l'installait et tout machin, et que quand on achetait il y avait un bundle, il y avait un jeu avec, et qui servait presque de benchmark, quoi. Exactement. Et ce jeu là c'était Myst. Ouais, bah ouais, et, ouais. Et après sont arrivées des boîtes comme Cryo où j'ai bossé à l'époque, et du coup on a commencé à challenger un peu Myst et du coup à se faire des couilles en or, hein, parce que à chaque fois que t'achetais un lecteur CD, au moment où toute la planète s'est installée un lecteur CD sur son ordi, t'avais ou bien Myst ou bien Mega Race ou bien Dune CD ou bien bah oui voilà, ouais. Donc à ce moment-là, ces jeux-là étaient pas forcément des jeux intéressants, mais c'était des jeux qui rendaient justice à ce qu'on pouvait mettre dans un CD. Par rapport à 8 disquettes, on pouvait mettre vachement plus. On pouvait mettre du texte, on pouvait mettre, enfin, du dialogue audio, on pouvait mettre des images, on pouvait mettre des acteurs, et donc on s'est mis à faire un peu n'importe quoi, genre des films interactifs. Mais c'est ça. Alors, pour les auditeurs, Myst, on va resituer un petit peu le délire. En fait, Myst, ça se passe sur une île, et l'aventure commence, on incarne un mec qui tombe sur cette île, et on se retrouve totalement seul. Mais alors seul de chez seul, on n'a rien, on ne sait pas. Et on ne sait pas qui on est. On se et voilà, on ne sait pas qui on est. Et en gros, Myst, il faut imaginer une succession d'images fixes où on avance dedans en cliquant. Ouais, c'est un jeu dans un diaporama. T'as l'impression de jouer à PowerPoint. PowerPoint, le jeu d'aventure. C'est un peu l'idée, quoi. Ça me rappelle, tu sais, les ancêtres des jeux labyrinthiques. Où t'avançais, tu sais, tu faisais casse quoi. Ouais, voilà. T'arrivais, t'avais un virage, c'était gauche, droite, et puis t'arrivais. Bah, c'était les et là, t'avais le truc. C'était ouais, aussi c'est pauvre ça. Que les jeux textes, ouais, mais il y avait une belle ça. Image à la place. Ouais. C'est ça. Il y avait des Elder Scrolls, les deux premiers qui étaient comme ça. Ouais. Ouais. Très textuel, qui est un peu dur à jouer aujourd'hui quand même. Hein. Moi, désolé, je m'hydrate. Il y a comment il s'appelait, bon bref, tant pis. Je voulais Isaac, voilà, Isaac de la croisière Samus, qui avec moi il me fait des cocktails en direct. Donc ouais, Myst, voilà, le truc de Myst, c'est que c'était vraiment trop chaud, quoi. Même avec la Solus, on a galéré. Le truc de Myst, tu vois, il y a The Witness qui est sorti récemment, qui ressemble beaucoup. Il y a une certaine logique, il y a des espèces de tutos. Ouais, mais attention, hein. Oui, on s'est cassé les dents dessus. On s'est fait chier, mais dans l'idée, tu trouves toujours la solution. Il y a toujours un endroit où c'est écrit. Le problème de Myst, c'est que c'est pas forcément le cas, quoi. Myst, tu lis la Solus, en gros, sur l'île de Myst, il y a 12 petits leviers. Et en gros, il faut les baisser. Il y en a un qui reste en haut, l'autre en bas et tout. Et il y a à aucun endroit, on te dit, putain, il faut que ça soit lui ou lui. Ah oui, et en gros, c'est la logique du concepteur. C'est presque du Die and Retry, sauf que tu meurs pas, quoi. Mais c'est un truc de malade. Donc en gros, toi, tu te retrouves à essayer toutes les combinaisons sur l'île, qui est mine de rien assez vaste, et ça prend un temps fou entre chaque image, et t'essayes tous les leviers, quoi. Mais ça a tombé dingue, quoi. Mais c'est peut-être le fait aussi que Myst, si je me trompe pas, hein, c'était aussi les débuts des jeux 3D. Et c'est peut-être aussi le passage en 3D dans un monde à la première personne qui rendait le truc un peu compliqué. Oui, mais c'était de la 3D fixe, hein. On pouvait pas se déplacer. Enfin, c'était vraiment du diaporama. On n'avait pas. D'accord. Donc c'était du rendu. c'était une image fixe et le levier bah il était c'est un sprite, il était animé en 4 ouais ou en haut ou en bas quoi. Ouais, ouais. Okay. Mais non, ça manquait cruellement de violence sur tous ces jeux là. Bah, ce truc c'est qu'on se faisait marrant, chier quoi. C'est ça, on peut pas braquer. Ça en a généré par contre beaucoup de violence. Moi ce qui m'attirait vachement dans ces jeux là, c'était tous les mécanismes et tout. Je suis assez attiré par ça et genre t'as les engrenages ouais. Voilà. Tu veux kiffer les Zelda alors. Bah pas plus que ça, mais Myst, je sais qu'il y avait un célèbre ascenseur. Alors c'est pareil, t'avais des billes à placer sur un espèce de truc. Enfin c'était improbable, introuvable, et ça ouvrait un escalier. C'était hyper. Enfin je sais pas, ça amenait au voyage quoi. Moi j'aimais beaucoup. Alors et, il s'est vendu à 9 millions d'exemplaires. Ouais, autant de lecteurs CD en fait. Et c'est, ouais. Tiens, je fais une parenthèse. Merci Mister Leary et merci NS Silver pour les follow. Vous déchirez ce soir. Merci les gars. Et puis bah voilà, il a eu une tripotée de suite. Il y a eu Myst Riven, Myst 3, Myst 4, Myst 5. Voilà. Et il y a eu aussi un MMO Myst. Ouais. De quoi ? Il s'appelle. Bah. Tiens, si vous voulez chercher, il s'appelle Uru, U-R-U. Age Beyond Myst. D'accord, on regardera. Mais, donc il y a quoi comme classe de personnage ? Il y a le leveur de levier, le baisseur de levier. Il y a le mec qui se gratte la tête. Et donc, il y a pas mal de romans. Alors ça peut être assez rigolo. Ah il y a, oui, des y a eu plein de romans Myst, c'est vrai. Mais c'était tellement devenu. Et puis, c'est pareil, c'est des jeux qui ont été joués par les gens qui ne jouaient pas. C'est et pareil voilà. Chez Cryo, ça a été la même chose avec les jeux d'aventure plus tard, genre Versailles et tout ça. C'est que comme tout d'un coup, quand on achetait son lecteur CD, bah il y avait un jeu avec et que c'était un jeu pas fait pour des gamers, parce que en fait, nous les gamers à l'époque, Myst, on a joué 3 heures, ça nous a énervé, on est vite passé à autre chose, notamment les Elder Scroll ou les choses comme ça, où on pouvait enfin tuer des choses. C'est tout plein de gens qui se sont mis à découvrir le jeu par ce côté très zen, très logique ou pas d'ailleurs. Et oui, ouais, ouais. Et très contemplatif. Et donc ça a été l'arrivée d'une, on va dire, une génération de joueurs qui avait rien à voir avec les excités de la génération précédente. On a eu à peu près le même phénomène il y a pas longtemps avec tout d'un coup les Candy Crush et les trucs comme ça. Ouais, ouais, carrément. Là où casu quoi. Ouais, du super casu. Là où nous on prend du plaisir à braquer des bagnoles et à écraser des vieilles. Comme et dans la vraie vie. Et ces joueurs qui sur Windows 98 arrêtaient pas de jouer au solitaire et au démineur. Ah les salauds. Ouais. Et qui le réclament. Il y a une grosse pression là pour faire revenir. Sérieusement, pour que le démineur revienne. Et je crois qu'ils vont le remettre. Démineur remaster. Attends, il y a un gros jamais gros compris les règles de ce jeu à la con. Mais dans les administrations, en tout cas, c'était très. Ah ouais, très... Alors moi, j'ai fait mon service militaire, ça marchait bien. Et dans les musées aussi, j'ai bossé dans les musées l'été. Démineur très très gros. Ça faisait partie du recrutement, non, à l'époque. Il fallait réussir à déminer un truc pour. Dans les administrations, les chefs, les cadres font les meilleurs scores. Hein. Tu regardes, c'est eux qui sont. T'imagines. High score. Et le solitaire, le jeu de solitaire. Et donc Myst, ça a même été parodié, un jeu qui s'appelle Piste. Oula. C'est de Parody Interactive, si vous voulez chercher. D'accord. Et puis donc voilà, il nous reste un petit peu de temps, et donc il y a eu plein d'enfants et de dignes successeurs à tous ces jeux-là. Et donc il y en a quelques-uns que je vais vous citer. On va finir par le dernier qui moi est un de mes préférés de toute la vie pour toujours. Et il y a le 3 qui arrive bientôt, petit indice. Ah oui. On a eu Still Life par exemple sur PC, qui était pas mal, c'était un peu une enquête policière et tout, qui était assez sympathique. Sur Wii, il y a des jeux qui s'appellent Secret File, qui sont pas mal du tout, qui sont assez simples. Mais c'est pareil, c'est pour du grand public. On a eu Randall's Monday récemment. Oui. Sur PlayStation 4 et Xbox One. Il y a pas longtemps. Hein. Carrément. Qui est très bon, qui est rempli, qui est bourré de références geek, en veux-tu, en voilà, qui coûte 8 ou 9 euros, je crois. Il est vraiment terrible. Randall's Monday, je vous le conseille sincèrement. Et puis, on a eu, surtout, Siberia. Ah, mais oui. Alors, Siberia, voilà. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler? Moi, je l'ai pas fait. Alors, je veux bien en parler. Vas-y, mais carrément. Je sens un malaise autour de. Sinon je le fais. Surtout que c'est un des jeux préférés de Brice, puisqu'il est aussi souvent en référence. Ah, bah, c'est toi qui vas en parler, alors. Ah, bah, si vous voulez. Donc, c'est un jeu français, mesdames, messieurs, oui, Cocorico. De Benoît Socal. Exactement, auteur de bande dessinée. Donc en gros, il y a deux épisodes pour l'instant qui se suivent, qui sont sortis très près. Il y a plein de compilations que vous pouvez retrouver de Siberia. Il y a le 3 qui est en développement, qui arrive bientôt. En gros, Siberia, ça se passe à notre époque et on incarne Kate, donc une nana qui bosse dans un cabinet d'avocats et qui part à la recherche d'un vieux qui a une fabrique d'automates et elle a besoin de sa signature pour des papiers de transmission pour l'usine d'automates. Et en gros, elle se pointe là-bas, dans l'usine, c'est à Valadilène en Suisse, Et en gros, lui, il est pas là. Et elle se rend compte que, eh ben, le vieux, il est parti, mais elle sait pas trop où. Et donc, elle mène une enquête. Et elle se rend compte que, eh ben, ce vieux monsieur, lui, il est persuadé que les mammouths existent encore. Et donc, il est parti en Sibérie, à la recherche de mammouths. Et en gros, il s'est fabriqué un train. Et il a construit des rails. Enfin, il y a des rails. Et en gros, chaque niveau. Alors, je sais pas si j'explique très bien, mais chaque niveau, c'est une gare en fait. Non, mais on voit les ravages de la drogue sur les scénaristes quand même. Ah ouais, carrément. Et en gros, bah la nana, elle rencontre un automate qui s'appelle Oscar et qui va nous guider tout au long du jeu. Et en gros, on monte dans ce fameux train. Le train démarre et on traverse des gares jusqu'à aller en Sibérie pour voir si le vieux avait raison ou pas. Je vous dirai pas la fin, mais c'est un peu l'idée. Et je suis fan absolu. Alors j'ai une question. Ouais. Si elle sait que le mec est parti en Sibérie, pourquoi elle s'arrête à toutes les gares? Parce que c'est le train en fait. C'est un jeu vidéo. Le mec il fait chier, tu sais. Bah non, bah en fait c'est un jeu. Tu montes dans le train, il va en Sibérie. C'est fini. Voilà. En jeu de rôle, il y a une situation comme ça où quand tu poses une question chiante, le maître de jeu a le droit de dire ta gueule, c'est magique. C'est pas mal. Et ça se tient. Ça, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je voulais le dire la semaine dernière. J'avais complètement zappé de le dire. Vous voulez dire à Lulu d'acheter du pain. Vous êtes au courant que Ubisoft adapte en jeu vidéo le jeu du loup-garou? Sérieux? Exactement. Ouais. Et j'ai vu ça il y a pas longtemps. Super cool ça. Et ouais, bah sauf que là tu te rends compte que bientôt les gens ils joueront plus en vrai, ils joueront avec leur console. T'as pas donné le détail, c'est avec des lunettes de réalité virtuelle. Oui, avec lunettes de réalité virtuelle. C'est pas toi qui fermes les yeux pour pas savoir ce qui se passe, hop, on t'éteint le truc et quand tu rouvres, tu vois un des joueurs qui est trippé parce qu'il s'est fait bouffer par le loup. Du coup, tu le vois en fantôme après? Peut-être, ouais, je sais pas. Ça sera sympa, l'HoloLens, ça je pense du coup, tu vois, t'es chez toi dans ton salon. Ça peut être cool. Avec la tête de mais du coup faut débourser ou pas entre un jeu de cartes super drôle qui marche super bien depuis, t'as même pas vraiment besoin des cartes au final, tu peux les faire toi-même les cartes, ça marche tout aussi bien. Donc voilà, c'était tout. La bonne idée du jour. Carrément. En tout cas, voilà, des jeux d'aventure, il en existe plein. C'est des jeux qui ont une histoire assez intéressante, je trouve. Surtout King Quest, on a eu droit au remastered récemment, qui est très très sympathique et qui coûte pas très cher en plus. Je sais pas, tiens Kogu, tu veux nous en parler vite fait de King Quest? Bah, King Quest, pour moi, c'était un petit peu l'équivalent à l'époque de Dragon Slayer. C'est un jeu de réflexe. Ouais, mais plus dans l'ambiance et dans le design en fait, où on était, où là on incarne en fait un aspirant chevalier. En fait l'histoire nous est contée, il y a une petite fille, un vieux qui raconte l'histoire et on comprend donc du coup après qui est ce vieux personnage qui raconte l'histoire à cette petite fille et du coup on revit la jeunesse du personnage de où il est parti de rien, où il était habillé en guenille à quelque part comment il est devenu chevalier. Carrément. Donc tout ça cool comme, sous forme de point and click. Ouais, c'était super joli, ouais. Ouais, carrément. Puis ils ont redessiné tous les sprites et tout, c'est assez classe quoi. Là la version remasterisée là qui est sortie sur PS4, c'est du Disney hein. Ah, ouais, carrément, c'est joli. Non, King Quest Slayer aussi sont en train de refaire en HD d'ailleurs. Oui. Donc ouais, King Quest c'était plus un jeu de QTE dans l'idée quoi. Dragon Slayer, c'était de la QTE et c'était dessiné par Don Bluth, qui est un mec qui a fait plein de dessins animés super connus, genre Anastasia et compagnie. Donc c'était un très très gros. À l'époque, oui, c'était les plus belles animations du jeu vidéo. C'est clair. Animations, même encore maintenant, c'est des bonnes rêves d'anime. Parce que c'est super beau, quoi. Elles sont superbes, les rêves. Donc voilà, si vous kiffez ce style de jeu, en plus, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a The Witness qui est sorti récemment. Faut l'acheter. C'est le jeu que tu faisais là en streaming avec t'étais dans un souterrain, il y avait des circuits un peu. C'est là. Ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as pu péter un pont dessus? Ah bah ouais. Et je remercie les viewers. Hein, heureusement qu'ils étaient là en stream parce que ça a été l'enfer pour moi parce que du coup je lisais le chat et le chat c'était D1. B3 pendant un mois on avait ce dialogue là, on parlait plus que comme ça. Ouais, moi je t'ai juste vu au moment où il y avait la musique là. C'est la fin. En gros, on a terminé le jeu, mais il y en a je sais pas combien des fins et maintenant il nous reste le dernier puzzle ultime pour avoir le trophée de platine sur PlayStation 4. Et en gros, tu mets un disque sur une platine et t'as le temps du morceau pour c'est un truc de dingue. Mais ouais, du coup. C'est normal, on est en fin de semaine. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais et du coup, voilà, t'as un certain temps pour résoudre toutes les énigmes du jeu. D'accord. Donc t'as une énigme de chaque type de truc. Et c'est le. C'est vrai qu'en plus elles étaient régénérées à chaque fois. Et oui, tout. Et en plus. T'as jamais voilà. réussi du coup. Non. Alors il y a des techniques. Et en plus le délire c'est que voilà, c'est jamais les mêmes. Si tu perds, tu reviens au début, mais ce sera pas les mêmes. Sinon tu les notes et puis voilà. Puis, comme on dit, on se retrouve dans une mécanique où quelque part là c'est de la musique, mais c'est comme si c'était chronométré. Quoi. Ah bah moi ça me met dans c'est tous mes états, c'est mort. C'est stressant. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, donc il y a des techniques, hein, genre, tiens, bah là, la musique de Day of the Tentacle, c'est quand on croise George Washington. Ouais, avec l'hymne américain. Ouais, carrément. Revisité au bon tant pis. Et ça, c'est beau. Et ouais, en gros, dans The Witness, il y a une technique. En gros, t'arrives devant le puzzle, tu fais une capture d'écran, tu coupes à la sauvage la console, tu regardes la capture d'écran, tu fais le labyrinthe, et puis ainsi de suite, t'avances comme ça, quoi. Mais c'est tendu. En tout cas, The Witness, il est assez cool. On vous le conseille. Il y a le sur les replays hein, de PodCloud et d'iTunes. Il y a l'émission, même sur Facebook, le replay de l'émission. On avait fait le test du jeu. Voilà. Je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a ouais, peut-être alors, un peut-être, jeu. Peut-être. Alors, si il y a tout plein de jeux, mais on n'aurait pas le temps d'en parler. Mais ouais. C'est les jeux Cryo qui ont été faits dans les années 90 et qui étaient le leader français et mondial du coup du jeu d'aventure à un moment où Lucasfilm, LucasArts a commencé à arrêter d'en faire et où ils ont pris vraiment et donc qui a donné notamment les ludo éducatifs, c'est-à-dire des jeux d'aventure qui, alors en dehors de ceux de type Atlantis ou KGB qui étaient vraiment des jeux d'aventure narratifs. Dans des univers, enfin KGB c'était dans notre univers à nous, mais Atlantis dans des univers fantastiques, etc. Ils ont aussi développé le ludo éducatif, donc des jeux comme Égypte, Aztèque. C'était qui Marine Malice? Parce que moi quand j'étais gosse, j'ai joué à ça, ah c'était ouais, alors, génial. Marine Malice, ça c'était très cool. Énervant, ça, ouais, ouais. Mais c'était dur. Oui, franchement, dur, ouais. Pour un gosse. Alors c'était pas eux, je crois, c'était peut-être Montparnasse Interactif ou un truc comme ça, mais ouais, c'était peut-être. Français aussi, ouais. Ouais. Ouais. Ça rendait, mais c'était sympa. Moi, quand gosse, j'étais fan, mais putain, il y a des moments, c'était chaud. Mon Dieu, mais tu es très très jeune. Je crois que j'ai connu cette femme, Marine Lillis. Quand j'ai acheté mon bateau, il y avait un sticker avec son nom dessus. Marine Lillis. Je vous laisse. Je vais manger des noix de coco. Des bounties. De loup. Moi, je sens en tout cas que c'est grâce à Cryo, donc quelque part grâce à toi, Jean-Luc. Ouais, enfin, je suis pas complètement responsable du truc. Que ma mère m'a acheté des jeux vidéo. Oui, alors, parce qu'ils étaient ludiques. Ah oui, voilà. Alors moi, j'ai pu voir le loup. Ces jeux étaient achetés par des non-joueurs justement, ouais. Parce que tout d'un coup, c'est Noël ou c'est l'anniversaire du petit. C'est ça. Bon, il joue beaucoup aux jeux vidéo, on comprend on rien. On va lui mettre voilà. Un peu de culture. On va prendre un truc ludo-éducatif. C'est ça. Puis c'était l'époque de Carmageddon. Je sais pas si vous vous rappelez, mais oui, ouais. Voilà. Ça, c'était le vrai jeu de kiff où on avait des bonus de style si on écrasait des petites vieilles sur la route en atterrissant sur le toit de la voiture. Ouais. Donc il fallait faire des cascades de fou pour écraser des vieux. Et maintenant c'est même dans GTA ils osent plus faire ça. et c'était les jeux auxquels on s'éclatait, Doom, Quake et tout ça, ouais. Et Exxon. Et là tout d'un coup les c'est vrai que les parents ne comprenaient plus à quoi jouaient les gamins. Et tout d'un coup ils voient un truc cautionné par les musées nationaux qui se passe dans le château de Versailles. Ouais. Et sur console c'est ça. Ouais, donc ça permettait d'acheter une console plutôt qu'un ordinateur. Exactement. C'était la caution morale. Et c'était de la caution. Et ouais. Ça c'était bien. Ouais, ouais. On va apprendre des trucs en jouant. Alors évidemment, ben, le gamin il jouait une demi-heure à Versailles. Finalement, c'était la mère qui le finissait ou le père. Et puis il retournait écraser des vieilles sur Carmageddon. Mais c'est vrai que c'était une période où aussi tout d'un coup le ludo éducatif ouvrir le jeu à un autre public avant Candy Crush. C'était le premier drame vidéoludique. Ouais. Ouais. Si on peut appeler ça du vidéoludique. Bah à l'époque, on essayait de faire des vrais jeux, mais on ne vendait finalement dans cette boîte-là. Je parlais de Candy Crush. Hein. Ah oui. Ah non, je me permets pas. Non. Mais enfin, si Cryo existait encore, je pense qu'il ferait, ils essaieraient de faire des Candy Crush. Mais en tous les cas, à cette époque-là, si on voulait sortir du lot. Et à ce moment-là, il y avait quand même les Japonais qui commençaient à arriver avec les consoles japonaises à nous sortir des Final Fantasy, des choses comme ça. Pour sortir du lot, il fallait trouver son précaré, et Cryo avait trouvé son précaré dans le jeu d'aventure narratif et historique en grande partie. Mais sinon, ça n'empêche pas que les heures de gloire, en fait, ça a plutôt été les années LucasArts avec les jeux foufous, et qu'on a tous un souvenir d'un truc un peu débile qu'on a fait un moment dans un jeu. comme le hamster, ouais. La plus grande pelote de laine du monde, pour ceux qui ont joué à Sam et Max, ah oui. L'attaque des lapins mécaniques, si, puisque tu as joué à Full Throttle. Ah oui, tu à Full Throttle pour déminer, déminage, pour déminer ouais. le terrain. Ça, ouais. c'est juste génial. Mais ça, avant de le comprendre, ouais. Mais une fois que t'as compris, quel plaisir. En fait, ah oui, c'est génial. T'as, ouais. t'as dans ton coffre de bagnole ou je sais plus, t'as plein de lapins avec une. Il faut les voler au stand à l'entrée du stadium où se passe la compétition de. Ok, de ils vont de nous faire la soluce en direct. Mais tiens, il y a des petits trucs à rajouter sur justement LucasArts. On notera la collaboration de Steven Spielberg et de LucasArts pour la réalisation de The Dig, oui. une aventure de science-fiction que le réalisateur avait même envisagé de tourner. Absolument. Ouais. Et bah, j'ai une copine qui a bossé là-dessus d'ailleurs. Et c'était sur la Lune, des gens qui tout d'un coup découvraient voilà une fouille archéologique sur la Lune et il se passait des tas de trucs. Ouais. Et je le connais bien, ce jeu, The Big Dig. Ça me dit quelque chose. La Lune, tout ouais, ça, on the moon. On the moon. The big dig. Que relou. Que dire après ça? Que dire après ça? On peut pas enchaîner, malheureusement. Et donc, profitant à nouveau des avancées des jeux d'action et intégrant un moteur semblable au jeu de type de jeu de tir à la première personne, mesdames, messieurs, la société prend, en 98, le tournant des jeux en 3D temps réel avec le jeu Grim Fandango. Ouais. Ah ah. Et ça, c'était top. C'était et qui est vraiment joli. Bien. Ouais. Ouais. Alors, il est ressorti, tu as joué. Ouais, ouais, je l'ai fait, et franchement très cool. Mais très dur. Avec, voilà, de la, de, comment il s'appelait, j'allais dire, les Freros de la Vega. De la Vega, je crois que c'était ça. Mani Calavera. Mani Calavera. Mani Calavera. Ouais, yes. Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bah, quoi dire dessus, si ce n'est que ça reste un jeu, voilà. Avec le remake qu'ils ont fait HD, honnêtement, il a pas vieilli, je trouve. Il est très bien parce qu'ils ont même remis une rejouabilité au niveau, enfin une le gameplay, pardon, a été remanié de façon à ce que ce soit plus facile à jouer. Carrément. Et ce qui est bien avec tous ces remasters, c'est valable aussi pour Day of the Tentacle, c'est qu'en appuyant juste sur une touche, on rebascule dans le jeu de l'époque. Ouais. Et ça pique hein, quand même. C'est immédiat quoi. Mmh. Donc dans l'idée, c'est hyper bien parce que c'est juste pour se rappeler quoi. Parce que j'ai vu le remaster de Day of the Tentacle, c'est quand même tellement mieux maintenant avec le menu radial pour avoir les options et tout, les options un peu filtrées où on n'essaye pas tous les trucs. Ah, oui. Mais j'ai pas vu le remake de Grim Fandango. Très bien. Mango, ouais. Très bien. J'ai très fait joli, le début. Hein. Ouais. Il est très très bien et voilà la jouabilité elle est carrément différente. C'est ça qui est bien. Parce qu'il y a un trophée, donc pour le platiner, c'est ce que j'ai fait, qui nous demande de jouer avec les contrôles d'antan. Ah oui. Et alors là, c'est terrible, c'est ce qu'ils appellent le tank mode, c'est-à-dire que pour se déplacer, on bouge d'abord l'angle du personnage, c'est et après on avance. Ouais, ouais. Et alors ça, c'est terrible c'est parce que tu manges Resident des murs. Evil. Voilà, ouais. C'est du Resident Evil. Ouais. Et c'est, ah ouais, t'avances case par case quoi. Non, mais c'est que ton personnage, au lieu de le faire courir comme ça, tu fais d'abord ta rotation et après tu le fais partir droit. Et tu vois, quand tu veux prendre un angle, tu peux pas courir et prendre l'angle. Il faut que tu t'arrêtes, que tu te tournes et que tu prennes ta route droite. Ah oui, d'accord, faut qu'il soit dans la position. Mais comme un tank, imagine un tank qui se déplace, il veut bouger sur la gauche, il tourne et après il avance. D'accord, comme dans la comédie musicale la semaine dernière. Ouais, oui, voilà, la comédie musicale de Resident Evil. Mais sinon, ouais, un jeu qui a un petit scénario sympa où on voyage dans les étapes de l'après-mort, on va dire, donc pour arriver à un pseudo paradis. Et en fait, on a Mani Calavera qui est un, on va dire, un petit squelette. Un petit squelette qui est une faucheuse qui est, comment on dit, agent de tourisme. Et donc qui vend qui essaie de vendre lui aussi de refourguer des tickets à des clients donc pour aller au paradis. Sauf que lui, il a que des gens qui ont pas de thunes. Donc du coup, ils font tout à payer. Donc voilà. Et un jour, il tombe sur une nénette qu'il trouve assez sexy et il s'est dit, elle a de jolis fémurs. Donc voilà, il était séduit et il se trouve que malencontreusement, au lieu de lui donner un ticket d'or pour aller au paradis, parce qu'il avait piqué le contrat à son concurrent et son ordinateur est trafiqué et donc du coup, il peut pas donner de ticket d'or à la nénette qu'il mérite. Du coup, il envoie, il dit, tu te casses à pied et puis voilà, tu fais comme tout le monde. Et en fait, il en est amoureux, donc on va le suivre à travers la poursuite de cette jolie squelette pour la retrouver et on va arriver jusqu'au bout, jusqu'au, on va dire, aux portes du paradis. Moi, je propose qu'on fasse une nouvelle chronique. Ça s'appelle Dandy nous raconte un jeu. J'ai revécu le jeu. Et alors, c'est, graphiquement, c'était hyper risqué puisque tous ces jeux-là avaient des rendus cartoon, dessins animés très référencés américains. Et c'est la première fois qu'un jeu vidéo proposait un visuel, on va dire, exotique puisque alors là, mexicain, là c'était mexicain, c'était le tout le visuel de la fête des morts, des masques. En 3D, on est d'accord. Oui, 3D. Ouais. Et c'était la première fois qu'on on quittait un peu une représentation visuelle américaine d'un jeu vidéo. Mmh. Après, maintenant, on a eu Viva Pignata, on a eu tout plein de jeux japonais. C'est vrai, j'ai oublié ce jeu, tiens. Bah ouais, c'était top. Viva Pignata. On a eu des tas de jeux japonais comme Echo ou même certains qui ressemblent à des estampes. Donc on s'est ouvert. Okami notamment, hein, qui est très ouf pour ça. Ouais, Okami, voilà, je pensais à ça. Qui nous ont un peu ouvert visuellement, mais en gros, c'était la première fois qu'on tentait autre chose. Oui, je suis d'accord. Le jeu Vive la Pine, j'ai beaucoup joué à celui-là. Je l'aime beaucoup. Allez, je vous laisse. Vive la Pine. Oh, ça va. Moi, c'est triste, les seuls jeux auxquels j'ai joué d'aventure, vous en avez pas parlé, c'est Chevalier de Baphomet. Ah oui, tiens, bah oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien fait. Croisière pour un cadavre aussi. Tu dis Baphomet, donc. Ouais, Baphomet. Le genre de mec, tu dis. Voilà, Baphomet, ouais, comme Fantomet. C'est les joueurs de... C'était la période où je disais Fantomet. Eh, tu viens à la maison ce soir, on fait une petite partie des Chevaliers de Baphomet. C'est des jeux pour les taper, c'est pour ça qu'on en a. Voilà, c'est pour ça, bah, c'était mes deux expériences de jeux d'aventure. Bon, ça m'a pas plu énormément. Les Chevaliers de Baphomet, c'est très bon, hein. Mais c'est pareil, le problème, je trouve, de ces jeux-là, sincèrement, pour en faire beaucoup et aimer ça, le problème, c'est que ça a souvent ni queue ni tête, quoi. Tu vois, genre les Chevaliers de Baphomet, il y a souvent des passages où ça va, c'est assez, tu t'en sors, quoi. Mais genre pour les trophées, il y en avait un où il y avait une chèvre qu'il fallait nourrir. Et fallait lui donner des trucs spéciaux que t'avais dans ton inventaire, mais dans un ordre bien précis. Pour qu'elle ait un bon goût après quand tu la fais en méchoui. Ouais, voilà. Mais en fait, cette chèvre, a priori, tu la croises dans plein d'épisodes. Mais voilà, pour avoir le trophée, il fallait lui donner, mais genre, c'est des papiers improbables. Et toi, t'as un bouquet de fleurs, donc tu dis, tiens, je vais lui donner. Et si tu lui donnes, ça baisse la sauvegarde. Ah bon, tu vois l'esprit, quoi. Bah ouais. Donc là, en gros, j'ai fait le platine sur les Chevaliers de Baphomet le dernier, je l'ai fait 3 fois. Toi, je l'ai speedrunné le bordel. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que ça a ni queue ni tête. À cause de la chèvre. Ouais. Ça veut dire que la chèvre à la fin. Elle a pris cher. Tiens, merci GL Gindes Walk pour le follow. Et tiens, il nous a dit le bordel de ces jeux, c'est la galère galérienne. Voilà. Tourisme en enfer. Venez visiter les cercles, une expérience passionnante à la mexicaine avec le jour des morts. Il nous dit GL. Ouais. C'est exactement ça. Et il y a, attends, j'ai vu passer un message. Salut les anciens, nous dit Zigom. Tac, ça parle de grands classiques, on nous dit. Exactement. Ça speedrun les Chevaliers de Baphomet, on nous dit, ouais. Ouais, bah ouais, je speedrun les Chevaliers de Baphomet, je suis comme ça. Il speedrun tout, lui, de toute façon. C'est ça. Même la vie. C'est bien le problème. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez rajouter quelque chose, si vous voyez un jeu qu'on n'a pas. Non, bah, après, il y a la série des Telltale que tout le monde connaît. Ouais, voilà, maintenant, qui existe encore, ouais. Qui est pour le coup, eux, des vrais successeurs, quoi. Enfin, voilà. Ouais, les Walking Dead, si je peux en conseiller un ou deux, ce serait, The Wolf Among Us. Borderlands, Tales from Borderlands. J'attends qu'il soit en plus. Il est gratuit sur le Xbox Live, Wolf. Sur le? Wolf Among Us. Connais pas, Life. Je n'en. Vous connaissez pas les Xbox Live, vous savez, c'est la console. Alors il marchait pas aujourd'hui pour voilà. Votre information, sauf sur les 360, mais il était planté pour les Xbox One aujourd'hui. Ah voilà. Voilà, c'était la météo du jeu. Ça serait bien que sur PS4 ils nous laissent jouer à ce genre de jeu gratos comme ça là. Oh, il y en a eu des bons. On n'a pas eu. Queen Quest, épisode 1 était gratuit sur PlayStation. Ils ont offert l'épisode 2 de Walking Dead également. Oui, il y a 2 mois. Ouais, effectivement. Non, ouais, il y a 2 mois, ouais. Ouais. Et puis l'épisode 1 de Tales from Borderlands est gratos aussi. On connaît pas encore les jeux gratos du plus du mois prochain. Ça ne saurait tarder. On est de combien? On est le 29. Ouais, c'est demain. Ils annoncent le premier mercredi en général, enfin le dernier mercredi du mois ou le dernier mercredi avant la date fatidique. Donc demain on saura quels jeux seront gratuits sur le PlayStation Plus. On va recevoir un mail de toute façon. Alors attends, bon, il est en train de troller, Michel. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, hein, des jeux d'aventure. C'est un style de jeu qui est pas prêt de mourir et c'est tant mieux. Après, franchement, un Myst en VR, Non, non, non. Non? T'es un fou, toi. Non, faut tuer des gens. tu sens le gars qui décompresse dans le jeu vidéo quand même, tu sais. Manhunt en VR. Ça peut être pas mal. Ou du Mad World. Pour ceux qui connaissent Mad World, moi je suis fan. Ouais. C'est génial. Mais après, ouais, je sais, c'est pas un univers comme ça. The Witness, j'aurais adoré m'y promener avec le PlayStation VR, quoi. Eh bien, ouais, attends No Man's Sky. Ouais, mais No Man's Sky, en VR, pas. Ça peut être pas mal. Ah, d'ailleurs, No Man's Sky, moi je suis bien hypé. Hein. Ah, bah pareil. Avec, ah ouais. Vachement. Ouais. Bon, de toute façon, on le testera dans l'émission. Il a une patte graphique qui est folle, quoi. C'est carrément poétique pour le coup, quoi. Yes, avant qu'on se quitte, je vais faire un petit point vite fait sur ce qui nous attend au niveau des streams et des sorties de jeux et des émissions, parce qu'on va avoir deux événements là. Déjà, on sera au BGF, au Bordeaux Geek Festival. Pendant une journée entière, on va faire du live là-bas, on va enregistrer des émissions, on va faire plein de conneries, on vous racontera tout ça. Et alors vendredi, il y a la bêta de Battleborn qui sort le 8. Donc pas vendredi, là, celui d'après. Moi, je saute une semaine vu que j'ai plus internet à la baraque. Mais les streams reviennent très vite. Hein. La chaîne est ouverte. Si vous voulez, régalez-vous, hein, les poulets. Et j'avais noté, voilà, le 16, le samedi 16, on enregistre une émission dans un festival à Talence. Donc le mardi d'après, on sera le mardi 19. Ce sera une émission enregistrée. On sera pas en direct, mais ce sera une émission enregistrée dans un event. Donc ça peut être sympa. Et puis c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le BGF. Non, puis reprise des streams dès la semaine prochaine, j'espère sincèrement. Je déménage et je vais passer de la fibre à je ne sais pas trop quoi. Je suis assez inquiet, je vous cache pas. Parce que la fibre, bah mine de rien, on s'y habitue, quoi. T'aurais dû faire déménager que Mélanie, en fait. Carrément. Ah, tiens, si. Salut l'équipe, moi c'est Malox, déjà évoqué dans l'émission. Fan de tous les opus de GTA, merci pour l'info de ce soir. Il y a Hidden et Dangerous 2. C'est un jeu d'aventure, ça? Oh là, ça me dit quelque non, chose. Non, je pense que le monsieur est venu pour nous parler de jeux peut-être similaires à GTA, je crois, non? Bah non, ça me dit quelque chose. Hidden and Dangerous 2, si, c'est un jeu de Seconde Guerre mondiale, il me semble, un peu d'infiltration. Ok. Il est en train de nous le testera. Voilà. Ah oui, un jeu d'infiltration, moi j'adore ça, vous savez bien. Bon, en tout cas, voilà, du bon programme, et puis merci Zygom pour le follow. Un Doom en VR, ça serait craqué, oui, c'est pas faux. Bon bref, en tout cas, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de Trackmania. Waouh. Ça va faire mal. Ça va aller vite. J'y arrive pas. C'est affreux, quoi. Ça va aller très vite. L'émission va être pliée en 10 minutes. D'ailleurs, elle est finie. On s'en va. Voilà. C'est un peu l'idée. Non. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous, hein, qui nous suivez toutes les semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait zizir. Franchement, vous manquez trop, là. Je peux plus streamer. C'est l'enfer. Mais on revient très vite. De toute façon, mardi prochain. Mardi prochain, on reçoit l'équipe de Black Flag. C'est un studio de développement de jeux vidéo bordelais. En plus, ils viennent en chaloupe. Ils viennent en chaloupe. C'est pour ça, faut qu'on creuse des trucs devant la radio. Bon, on va se démerder. Faites-moi penser à acheter des graines. Parce qu'ils ont toujours des perroquets sur les épaules. C'est les seuls mecs de Black Flag. Gardez-les pour leur dire. Oui, de toute façon, elles sortiront d'elles-mêmes. Mais les gars du studio Black Flag, c'est les seuls mecs quand ils vont boire l'apéro chez des gens, il y a un autre bol de cacahuètes pour le perroquet, quoi. Bon bref, d'ailleurs je leur demanderai parce que marcher avec une jambe de bois, ça a l'air d'être le bordel. Bon bref, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans la Voix du Geek. N'hésitez pas à partager les replays, hein, sur PodCloud, sur iTunes, ils sont disponibles dès le mercredi, donc dès demain. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la Voix du Geek, Facebook, Twitter, Twitch, tout ce que tu veux. J'ai peut-être ouvrir un compte sur YouPorn, on va voir. On va se lâcher, quoi. Cette année, c'est notre année, quoi. Ce sera les off. Alors il nous dit Hidden and Dangerous de Gathering, illusion de 2003. Eh ben je ne sais pas, Malou de Cadoudal. Tu restes un mystère total. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Luc d'être venu nous voir. Mais merci, c'est un plaisir. Bon bah c'est cool. Bisous les poulets. Bisous. Allez, à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye. Ciao. Retrouvez Eau de Radio en ligne sur eauderadio.net. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonnes.